bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Vous savez que ce soir, on va parler de catastrophes. On va parler de catastrophes et on en a connu une récemment. C'était hier soir et c'était pas loin d'ici. Donc évidemment, cet événement-là occupe encore beaucoup nos pensées. Et voilà, il ne faut pas minimiser cet événement. Et c'est aussi probablement pour ça que Mehdi, qui est là ce soir et qui nous accompagne, c'est pour ça que Mehdi a choisi cet événement pour son introduction. Est-ce qu'on peut avoir quelques applaudissements pour Mehdi, s'il vous plaît? Bah oui. Merci. Merci. C'est donc une chanson pour elle. Elle, c'est un moment tragique vécu par celle qui dominait de sa flèche la cité, tel un oiseau qui étend ses ailes pour protéger ses co-religionnaires. Sa communauté, à cause peut-être d'un simple mégot de gitane, ou l'oubli sur le chantier d'un peu de butane. Sur elle, on a vu fondre toutes les flammes de l'enfer. Grâce aux soldats du feu, elle restera sur terre. Quand tu t'attaques à l'église mère, qu'est la maison d'Esmeralda. Soit pas ou soit fidèle, ont créé des machines et les ont propulsées en orbite basse afin de nous protéger. Un jour prochain, un satellite de titane nous préviendra des incendies de Notre-Dame. Souviendra d'une vie ancienne, quand les pompiers n'étaient prévenus que par BFM. Oh Lucifer, va des rétros, oui, cache-toi, car te surveillent maintenant le CNES et la NASA. Le CNES et la NASA. Merci beaucoup Mehdi. Effectivement, cette catastrophe qu'on a connue hier, elle nous donne une idée de ce que peuvent être ce qu'on appelle des catastrophes majeures, elles, parce que ça, c'est une catastrophe terrible du point de vue symbolique, du point de vue architectural, du point de vue culturel, évidemment. Mais voilà, il y a un blessé important, mais voilà, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Et là, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont de catastrophes majeures. Comme par exemple ce tremblement de terre en Haïti, c'était en 2010, 280 000 morts. L'ouragan Irma à Saint-Martin, qui a détruit 70% des habitations, c'était il y a 2 ans. Ou les inondations actuelles en Iran, qui touchent 25 des 31 provinces, qui ont causé 76 morts, qui ont endommagé 140 000 kilomètres de route. Et à chaque fois, dans ce genre de catastrophe majeure, la charte espace et catastrophe majeure est activée. À chaque fois que des vies ont été perdues, à chaque fois que d'autres sont en grave danger et que des biens, de façon étendue, sont également à risque. Et cette charte, elle permet de quoi, au fond? Elle permet d'obtenir des données depuis l'espace, évidemment. Et ce sont des données absolument vitales, des données qu'on transforme ensuite en informations et qui vont être utiles directement aux pompiers, aux gens sur place, à la sécurité civile sur place. Par exemple, quelle est l'étendue des dégâts? Quelles sont les zones les plus touchées? Où se trouvent les rescapés? Par quelle voie peut-on atteindre ces rescapés? Où est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau potable pour alimenter ces personnes? Voilà donc des questions essentielles auxquelles les satellites permettent de répondre. Et quand je dis les satellites, en fait, c'est plus compliqué que ça, évidemment. C'est les satellites, mais il y a toute une organisation autour de ça, avec un grand nombre de pays qui sont affectés et qui sont mobilisés. Alors oui, effectivement, l'espace se porte vraiment au secours des populations sinistrées, comme le titre de ce mardi de l'espace l'indique. Les mardis de l'espace, c'est comme à chaque fois organisé par le CNES. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous deux personnes qui contribuent directement à cette mission de sauvetage, hein, ou en tout cas de surveillance et d'aide aux populations sur place. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Claire Tinel et Déborah Corbert. Merci beaucoup d'être avec nous. Dites-nous qui vous êtes. Ce que vous faites, quelles sont vos fonctions? Déborah Corbert. Bonjour. Alors, donc je travaille au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises, qui est une des trois directions opérationnelles du ministère, avec la Gendarmerie nationale et la Police nationale, et notamment c'est la direction qui gère les sapeurs-pompiers. Comment s'appelle-t-elle cette direction, encore une fois? C'est la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. Voilà, la Sécurité civile, la gestion des crises. Et vous occupez plus particulièrement de cartographie, n'est-ce pas? Absolument, oui. Je fais du système d'information géographique, on peut dire de manière plus simplifiée, de cartographie, donc notamment dans le cadre de la gestion de crise. D'accord, parfait. Et donc au ministère de l'Intérieur, on peut dire au ça. Au ministère de l'Intérieur, voilà, place Beauvau. Excellent. Et Claire Tinel. Donc moi, je travaille au CNES depuis une quinzaine d'années dans l'observation de la Terre. Donc je suis experte en imagerie spatiale et je représente le CNES auprès de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures dont on va parler ce soir. Exactement. Et alors on va en parler d'autant plus que le CNES occupe, en tout cas préside actuellement la charte hein, pour 6 mois. On y reviendra hein, parce que voilà, c'est quelque chose d'important évidemment. C'est l'occasion effectivement d'organiser ce mardi d'espace sur ce sujet-là. Il y a une catastrophe majeure, il y a un déclenchement quelque part. Comment est-ce que les choses se passent là dans ce cas-là? On va utiliser ces satellites qui passent au-dessus pour récupérer des images, des données. Voilà, exactement. En fait, c'est sur la demande des pays qui sont impactés par les catastrophes. Donc, lorsqu'ils estiment qu'ils ont besoin des images satellites, ils vont ce qu'on appelle activer la charte. Donc, ils vont faire une demande qui est recevable 24 heures sur 24. Hein. On a des personnes qui sont d'astreinte. Et ensuite, cette demande va être étudiée. Les satellites sont, enfin, les demandes en programmation auprès des satellites sont envoyées en moins de 3 heures après la demande des utilisateurs. Donc, me souvenir de catastrophes, oui, on en a une quarantaine par an. 40 par an. Une quarantaine par an. D'accord. Mais vous n'êtes pas toujours vous-même personnellement impliqué dans ces... Quand vous dites « on en a », c'est la charte au global. C'est la charte au global, ouais. Mais nous, par exemple, le CNES, on va fournir des images satellites pour à peu près 95% des activations. Ah oui. Donc oui, si, on est personnellement, enfin, je suis personnellement impliquée. Donc là, on est donc depuis une vingtaine d'années, hein, on est à 603 activations. Et vous parliez des inondations en Iran. Alors, oui, parce qu'on s'est parlé il y a une dizaine de jours, et on en était à 601, et ça y est, on est à 603. On est à 603, et la dernière, c'était hier. D'accord. C'est l'Irak qui a déclenché la charte pour des inondations en Irak. Parce que justement, en fait, les deux pays sont actuellement touchés par les inondations. Donc voilà, on a eu un déclenchement hier midi. Alors, on a sur vos petits fascicules là, qu'on a mis sur vos tables, on peut peut-être s'arrêter sur cette première image, hein, tout simplement. La première image, l'image de couverture, on peut s'y reporter. Est-ce que vous pouvez nous la commenter là? Alors ça, c'est Pléiade. Ouais. Ça, c'est Pléiade, c'est un satellite, en fait, c'est une constellation de deux satellites du CNES qui sont tous les deux en orbite depuis 2011. à exactement 694 km de la Terre et avec une très haute résolution spatiale. C'est-à-dire qu'on est à 70 cm de résolution. Donc c'est-à-dire qu'un pixel sur une image, un point, 70 c'est 70 cm. C'est comme si, donc je donne l'exemple en fait, bah, par rapport à Toulouse, hein, puisque Pléiade vient de Toulouse, c'est comme si vous étiez sur la Tour Eiffel avec un appareil photo, avec un très gros objectif, que vous zoomez, vous zoomez, vous zoomez vers Toulouse, et que vous prenez une photo de la place du Capitole, et vous êtes capable de discerner toutes les fenêtres des bâtiments de la place du Capitole. Voilà, à 700 km. Depuis Paris. Depuis Paris. Waouh. D'accord. Alors j'imagine que ça ferait un objectif gigantesque. Un objectif gigantesque. Bah, là, le télescope justement de Pléiade, il fait un mètre de focale, de longueur. Voilà. Et donc, on utilise un télescope, voilà. Évidemment. Hein. Donc magnifique Pléiade. Ça fonctionne depuis 2011. Voilà. Ouais, et on a aussi deux autres satellites qui sont là, qui ont été fabriqués par Airbus. Donc, ce sont des satellites d'Airbus qui sont exactement sur la même orbite. Donc en fait, on a les quatre satellites à 90 degrés. Ils tournent tous, tous sur la même orbite. Et donc c'est ils deux se suivent, hein, comme c'est là on voit ces deux-là se suivent. Ils se suivent, oui. Et Spot 6 et Spot 7 sont également sur cette même orbite. Voilà. Donc on a les deux Pléiades qui sont à 180 et Spot 6 et Spot 7 qui sont aussi à 180, qui eux, ils sont à 1,50 m de résolution. Et quel est l'intérêt de faire en sorte qu'ils se suivent comme ça, comme une espèce de petit train? C'est surtout qu'en fait, du coup, on a chaque point du globe, chaque endroit du globe qui est accessible quotidiennement par les satellites. Donc du coup, on peut acquérir des images justement quand on active la charte. Le but, l'objectif, c'est d'obtenir le plus rapidement possible des images. Donc là, avec ces quatre satellites, en moins de 24 heures, on peut déjà obtenir une première image. En moins de 24 heures, on peut déjà obtenir une première image. Est-ce que vous voulez nous décrire justement, et ensuite on parlera avec vous, Madame Corbert, est-ce que vous voulez nous décrire cette charte? Comment est-ce que ça marche? C'est quoi le principe? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe majeure, il y a toujours quelqu'un qui, quelque part, est en mesure d'appuyer sur le bouton rouge pour dire « j'ai besoin d'aide » et pour demander, envoyer, faire en sorte qu'on lui envoie des images, etc. Alors tout simplement, je peux prendre le dernier exemple des inondations en Irak. Donc on a des inondations sur des plaines. Il y a des plaines qui sont vraiment complètement inondées. Donc c'est une zone qui n'est pas, je dirais, pas très grande, qui fait 150 km sur 150 km. Et donc ça, c'est la sécurité civile de l'Irak qui nous a envoyé une demande. Une demande, ça se fait très facilement, c'est par site Alors, internet nous, en fait. À nous qui? Alors à nous, donc au niveau de la charte, en fait, on a un opérateur qui est basé qui est géré par l'Agence spatiale européenne, qui est basé en Italie. Lui, il va recevoir la demande. Donc il va avoir toujours, une alerte. Ça arrive toujours au même endroit. Toujours au même endroit. D'accord. Et ensuite, il va vérifier qu'il a toutes les informations, c'est-à-dire les coordonnées géographiques de la zone qui est impactée, le type de catastrophe, quels sont les besoins. Là, il demandait d'avoir des cartes justement des cartes d'étendue d'inondation, enfin de zones inondées. Et ensuite, il va renvoyer cette demande à une autre personne, un opérateur d'astreinte. Et cet opérateur, donc nous on est sur les 17 agences spatiales qui font partie de la charte, on a 10 agences qui ont ce rôle pendant une semaine. L'agence, donc le CNES était d'astreinte justement la semaine dernière, jusqu'à, donc c'est du lundi 12h UTC jusqu'au lundi d'après. Et 2 heures avant la fin de notre astreinte, on a justement eu cette activation. Et cette personne en fait va étudier la demande. Et il va s'appuyer sur ce qu'on appelle des scénarios, c'est-à-dire que la charte donne des consignes. Si on a des inondations, on va plutôt programmer des satellites radars. Si on a des tremblements de terre, on va plutôt programmer des satellites optiques à très haute résolution, parce que ça va être l'identification de bâtiments endommagés. Et donc, il fait sa petite liste de satellites, et après, il envoie ça aux différentes agences spatiales qui vont réceptionner la demande. Donc là, on est, c'est une coopération internationale. Donc ce qu'on est, c'est un peu le best effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de fournir des images. Il n'y a pas d'obligation de programmer les satellites 24 heures sur 24. Mais c'est vrai qu'on est plusieurs agences spatiales, dont le CNES, à le faire. Donc les demandes sont envoyées. En fait, les satellites, on envoie des plans de programmation, ce qu'on appelle, on en a plusieurs par jour. Donc pour Pléiade, on en a 3. Et dès qu'on est sûr de la zone, on lui envoie la demande. Et lui, dès qu'il va passer au-dessus de la zone, il va acquérir une image. Et dès qu'il sera en visibilité d'une station sol, il va redescendre l'image au sol qui va être produite automatiquement. Donc, voilà. Oui, quand vous nous racontez ça, et je pense que quand on est... quand on ne connaît pas forcément exactement comment les choses se passent, on se dit mais que c'est compliqué. Et ça a l'air très... Ça a l'air, on dirait qu'il y a plein d'échelons, c'est très administratif, il faut, on a l'impression qu'il faut remplir un formulaire. Parce qu'on se dit, quand on ne connaît pas forcément très bien le système, on se dit mais il n'y a qu'à envoyer les satellites tout de suite. C'est comme il y a un feu ou un problème, vous envoyez les pompiers, quoi. Alors que là, il faut dire où est-ce que c'est, quel est le type de problème. D'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, quand on appelle les pompiers, ils vous posent ces questions-là aussi. Hein. Oui, c'est l'important, c'est d'avoir les informations les plus précises possibles pour optimiser justement la programmation des satellites. Puisque je vous dis, on a 35 satellites dans la charte et chacun a sa spécificité. Donc, justement, un satellite à très haute résolution comme Pléiade, on ne l'a pas programmé pour les inondations en Irak. D'accord, Pléiade, voilà, pas utile. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin effectivement de savoir, c'est des inondations, c'est un tremblement de terre, c'est un feu, un incendie, parce qu'à chaque fois, c'est pas les mêmes moyens qu'on va mettre en œuvre. Exactement. D'accord. Alors ensuite, il y a pas mal d'opérateurs. Donc moi, je suis la sécurité civile irakienne. J'appelle donc l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Hein, c'est cette personne qui est à chaque fois est le guichet d'entrée, si je puis dire. Et lui-même, il va contacter une sorte de chef d'orchestre qui va mettre en œuvre beaucoup de moyens. Et c'est lui, ce chef d'orchestre, qui lui va décider des moyens à mettre en œuvre et va appeler les agences pour leur dire voilà ce qui se passe. Les agences spatiales qui, elles, vont pouvoir faire en sorte que les satellites soient effectivement prennent les images, prennent les données en tout cas. Parce que programmer un satellite, c'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est des logiciels de programmation. Il faut que le satellite, il soit, qu'il optimise. Parce qu'il n'a pas que... Par exemple, en Irak, il y avait certainement d'autres images à faire ailleurs. Donc, il faut qu'il optimise, en fait, toute sa série de programmations sur une même orbite. Et en plus, il faut savoir que c'est... Dans le cadre de la charte, on programme en priorité. C'est-à-dire qu'on Quand on active... Vas-y, vous en prie. Oui. C'est-à-dire que le satellite va acquérir... On est sûr d'avoir une image. Lorsque vous avez des programmations commerciales, s'il y a beaucoup d'images à prendre en un seul endroit, le satellite n'a pas le temps de pivoter pour acquérir toutes les images. Donc certaines ne seront pas prises. Par contre, s'il y a une zone pour la charte, celle-là sera prise, on est sûr qu'elle sera prise. Donc il y a une priorité aux images pour la charte. Oui. Et alors qui en décide là? Et puis moi, j'ai payé, moi je veux mon image commerciale et on me dit, non, ce sera, vous ne l'aurez pas demain, vous l'aurez dans deux jours, c'est ça? C'est ça. D'accord, bon. Et alors ça c'est entendu, tout le monde est d'accord et... Tout le monde est d'accord, en fait, lorsque les sociétés privées demandent des images satellites, ils signent une sorte de contrat et ils sont au courant qu'il peut y avoir des urgences. Ah oui, dans le contrat, ils savent qu'il peut y avoir des urgences. D'accord. Alors, Madame Corbert, on a envie de discuter avec vous. Donc, ministère de l'Intérieur, vous vous occupez de cartographie. On a besoin de cartographie au ministère de l'Intérieur, notamment de données satellites. Dans quels événements? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, oui, absolument. Nous, on travaille beaucoup avec le CNES pour activer la charte espace et catastrophes naturelles majeures. Alors, j'ai pris des notes avec moi pour mon anti-sèche. C'est principalement sur des phénomènes d'ampleur avec une forte étendue spatiale, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très étendus sur le territoire, comme des inondations effectivement, des feux de forêt qui sont importants, qui couvrent des hectares importants, un nombre d'hectares importants, ou bien dans les territoires extérieurs, ça peut être principalement sur des tremblements de terre, des ouragans, où on a besoin d'avoir une vue instantanée du phénomène et de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc les derniers déclenchements, très récemment, au mois de février, on a fait des acquisitions sur les feux de forêt qui se sont produits en Corse, notamment sur le secteur de Calenzana, en Haute-Corse, où il y a eu un très grand feu qui s'est produit, donc qui a été assez rapide, mais qui a quand même couvert une importante partie du secteur. En 2018, les inondations dans l'Aude, dans le sud de la France. Ensuite, en Indonésie, les tremblements de terre. Il y a eu également le phénomène Sargasse aux Antilles, dont on a assez peu parlé finalement en France, mais on y reviendra. On en parlera tout à l'heure. Voilà, on y reviendra. Également le cyclone Irma José Maria, qui nous a tenus en haleine pendant presque 3 semaines au ministère de l'Intérieur, effectivement, pour suivre les événements. Donc, sur tous ces déclenchements, nous, l'objectif, c'est de comprendre la situation. Nous, au niveau national, on est là pour faire la synthèse des informations et informer les autorités, que ce soit le ministre de l'Intérieur et au-delà. au-delà, bien évidemment, sur une crise telle que le phénomène Irma qu'on a connu au mois de... c'était en 2017. Le président de la République doit être informé et les images satellites nous aident à comprendre la situation, de pouvoir avoir justement une visualisation cartographique des événements. Également, les images nous permettent d'anticiper lors d'envois de détachements de militaires. Ce sont principalement les militaires, ils sont assez peu connus également dans le monde sapeurs-pompiers, parce que donc la direction générale de la sécurité civile, c'est les sapeurs-pompiers, mais il y a également les FORMISC, c'est la formation militaire de la sécurité civile, qui sont un peu des sapeurs-pompiers, mais qui font plus des actions sur... ils font des actions de pompage en cas d'inondation, ils produisent de l'eau potable, ils font toutes ces actions-là qui ne sont pas dévouées aux sapeurs-pompiers tels qu'on les connaît dans les départements. Et ces pompiers spécialisés, si on peut dire, partent, ce sont principalement eux qui partent sur des territoires extérieurs pour venir en aide aux populations. Donc en Haïti, au Chili, sur les feux de forêt, qui sont partis également sur Irma pour aider à remettre en ordre un peu d'ordre donc, sur ces territoires. Donc quand on fait des acquisitions satellitaires dans les territoires externes à la métropole, c'est principalement pour donner une visualisation de la situation à l'extérieur pour les détachements. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Très clair. Alors, comment est-ce que... Donc, vous faites votre travail, c'est effectivement de récupérer ces images satellites, d'aller chercher l'information qui se trouve dans ces images satellites, et puis de pouvoir la présenter, de pouvoir indiquer, voilà, là, c'est des routes barrées, voilà, ça, c'est le nombre de maisons écroulées, ce genre de choses-là. Et alors, ça, ces éléments-là que vous fabriquez, finalement, que vous composez, vous allez les fournir aux autorités et à ceux qui vont aller sur place, etc. Oui. D'accord. Et alors, ouais. Ce sont aussi... Donc, c'est interne au ministère de l'Intérieur, finalement. C'est pour les moyens du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et comme l'évoquait tout à l'heure Claire, effectivement, on a nécessité d'indiquer... Là où on souhaite avoir une prise de vue, c'est primordial pour qu'ils sachent où est-ce qu'on veut avoir une image satellitaire, mais également ce qu'on souhaite voir sur l'image. Parce qu'on ne reçoit pas uniquement une image brute, il y a tout un travail qui est réalisé par des équipes au sol. Alors ça, Claire pourra l'expliquer bien mieux que moi. Par exemple, sur des problématiques de tremblement de terre, ce que l'on souhaite savoir, c'est l'état des réseaux de transport. Les routes, est-ce qu'elles sont praticables ou non ? Également sur l'état des dégâts bâtimentaires, quelle est l'étendue des dégâts sur place, pour pas que les personnels qui partent pour venir en aide aux populations découvrent la situation une fois qu'ils sont sur place, mais qu'ils aient déjà a priori une vision de la situation qui les attend sur place. Donc c'est vrai qu'on précise, alors déjà pour eux, pour savoir quel est le type de satellite, quel type de moyen qui vont devoir utiliser pour répondre à notre demande, mais également pour la production qui est réalisée d'analyse sur ces images. Alors Claire Tinel, il y a donc énormément d'étapes finalement entre le moment où quelqu'un quelque part dans le monde pousse sur le bouton rouge pour dire alerte et le moment où au final on finit par avoir une carte utile qui peut permettre de guider des équipes de sauvetage ou ce genre de choses-là. Beaucoup d'étapes. Et une des étapes, il s'agit bien sûr de récupérer des images brutes. Je parle d'images, mais on parlera aussi de radar, par exemple. Mais parlons, par exemple, d'images optiques. Récupérer ces images, et là, il va falloir les interpréter, les comprendre. Il y a beaucoup d'étapes, là encore, sur cette image-là. Je dirais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes, mais ça se fait aussi très rapidement parce que bon, c'est une procédure qui est rodée quand même depuis quelques années. Et effectivement, c'est vrai que la sécurité civile française utilise deux choses. Elle utilise les images satellites pour vos propres utilisations et vous utilisez également les cartes qui ont été produites et les cartes. Vous avez une double utilisation. Ce qui se passe en fait, c'est des images satellites. C'est pas juste une simple photo comme on prendrait avec un appareil photo. C'est quand même des images, c'est des fichiers qui font plusieurs gigas au niveau de la taille. Alors j'ai appris qu'une photo prise par satellite, c'est 3 gigas. Pour Pléiade, effectivement, si on couvre 400 km², donc 20 km sur 20 km, ah oui, on est à 3 gigas. Avec des détails de 70 cm. De 70 cm. Donc c'est très lourd. On ne peut pas l'ouvrir avec Photoshop. Bon, il faut utiliser des logiciels spéciaux de traitement d'image. Donc ça, en fait, c'est, on a des services de cartographie rapide. Donc le service français, il est basé à Strasbourg. Et l'idée, c'est de ne pas envoyer ces images brutes, mais d'extraire l'information. Parce que lorsque vous recevez une image, la personne sur place aura du mal en fait à interpréter. Donc la personne sur place, c'est celle qui a appuyé sur le bouton rouge. Celle qui a appuyé sur le bouton. Voilà, ça ne sert à rien de lui envoyer l'image. On voit, donc il y a des exemples hein, dans le support qu'on a montré. Justement, c'est comme si on dessinait en fait, on mettait un dessin sur ces images avec des indications. Et là, l'information extraite, elle est beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Alors, il y a Haïti par exemple qui est peut-être... intéressant, c'est vers la fin, parce qu'on voit une image optique avant-après, et puis on voit ensuite... donc ce serait page 9, ça vous convient ça, page 9? Alors effectivement... Ouragan, Haïti, 2016. Page 9... Regardez donc page 9, si vous voulez bien. Donc l'exemple, ce sont... donc à droite, en fait, hein, l'image en haut, c'est une image qui a été prise avant. Donc c'était après le passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016. Avant le passage de Matthew. Avant le passage, en haut, et en bas, c'est après le passage. Alors c'est vrai qu'on voit... Est-ce que vous pouvez nous détailler ces deux images, les différences entre les deux images? Alors nous, les différences, on voit effectivement qu'il y a eu du changement. Mais c'est très difficile à quantifier. Oui, notamment en bord de mer, là, c'est... Voilà, on voit que les maisons sont complètement détruites, mais on ne sait pas combien de maisons ont été détruites, si les routes sont bloquées ou pas. Et la transformation, en fait, de l'information de l'image en carte est juste derrière, donc pour exactement le même endroit, page 10. Où là, comme je disais, on dessine en fait. Donc là, les services vont identifier chaque maison. Donc tous les cercles rouges que vous voyez, c'est un cercle rouge représente une maison qui a été complètement détruite. Donc on voit par exemple que ce village a été pratiquement détruit à 100%. On a d'autres informations qui sont importantes aussi pour les équipes de secours. C'est déjà... Moi, je pense que c'est Haïti, ça. Hein. Je pense pas que ce soit un village. Je pense que... Enfin, c'est la capitale, je pense. Non, c'est la ville d'Ecaille. Ah bon, d'accord, pardon. C'est la ville d'Ecaille, non, c'est pas la... Ah, c'est l'Ecaille centre, d'accord, ok. Voilà. Là, on voit aussi qu'on a une information sur là où se trouvent les centres médicaux. Donc c'est là où vous avez un H qui a été mis. Les étoiles, elles représentent les édifices religieux. Parce que lorsqu'il y a justement... Les habitants ne peuvent plus dormir dans leur maison, ils vont se réfugier dans d'autres endroits, comme des écoles, donc les édifices institutionnels qui sont représentés par un drapeau, et également les édifices religieux. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pratiquement que des cercles rouges. On a quelques cercles verts en haut à gauche, mais vraiment quelques-uns. Mais là, c'était vraiment un ouragan qui a fait des dégâts terribles. Ah oui, oulala, c'est... Oui. Voilà. En haut à gauche, effectivement, on a quelques cercles verts, mais c'est quasiment rien, ouais. Et ce qu'on pouvait voir, c'est sur l'image satellite, on avait du mal à discerner les routes de la ville. Et ça, c'est très important aussi pour les secours, de savoir comment ils vont se déplacer d'un endroit à l'autre. Ici, on a vraiment une typographie avec des routes perpendiculaires et parallèles. Mais quand on regarde l'image satellite derrière, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Alors revenons à l'image, aux images page 9. Les deux images de droite, effectivement, ça se superpose hein, aussi avec la page 10. Et ce qu'on voit, l'espèce de toit blanc, c'est un hôpital. Alors je crois que c'est un hôpital, effectivement. Ouais, c'est un hôpital. Et ce qu'on voit, c'est que les grands bâtiments n'ont pas été touchés, en tout cas emportés par l'ouragan. C'est un ouragan, il n'y avait pas d'inondation, c'était surtout des vents qui étaient très, très violents. Ouais. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est les maisons. Et en plus, en Haïti, ce sont quand même des habitats qui sont assez précaires. Donc, des habitats qui sont fragiles et qui sont très, justement, sensibles à ce type d'événement. On voit un bâtiment quand même à gauche, là, le bâtiment blanc, dont la toiture a un peu souffert quand même. Elle a un peu souffert, oui. Ouais. Et on a l'impression qu'en fait, entre l'image d'en haut et l'image en bas, c'est comme si... On avait écrasé. Ça avait été balayé. Oui, c'était balayé. Oui, on voit également les arbres. Les arbres. On arrive à voir les... Ouais. Où ça, où les arbres, les arbres individuellement dans la ville. On les voit très bien en haut. En bas, en fait, on les voit beaucoup moins bien. Et en fait, c'est des arbres qui ont été couchés, qui se retrouvent sur le sol. Ah oui, on voit leurs petites ombres en haut et on ne les voit plus en bas. Ce qui signifie parce qu'ils sont sur le sol. Parce qu'ils sont au sol, d'accord. Parce que ce sont des photos qui ont été prises alors que le soleil se trouvait au même endroit. Ah, je vous pose une colle là. Ce que je veux dire, c'est que c'est important pas... parce que dans on peut voir l'ombre et dans un cas, on peut ne pas voir l'ombre et donc avoir une difficulté d'interprétation. J'avoue que je ne me souviens plus également parce que je crois que c'est pas la même saison déjà. D'accord. Donc on n'a pas le même. Oui. Même si on se trouve près de l'équateur, on n'a quand même pas les mêmes angles d'incidence au niveau solaire. C'est important dans ce cas-là, c'est gérable en fait. C'est gérable. On ne nous demande pas d'avoir vraiment une image qui a été prise dans les mêmes conditions. Et alors à gauche, on arrive à avoir aussi, c'est le même endroit. Hein, Nord. Ah, moi je me trompe, non, je me trompe. C'est au nord de la presqu'île d'Haïti. Et ça justement, c'était une demande spécifique de la sécurité civile française. Donc je me souviens en fait, vous aviez fait un point avec les. Il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient déjà en Haïti. Parce qu'on a envoyé des secours. Hein, oui, oui, absolument. Ouais. Il y a un détachement qui est parti sur place pour faire de la production d'eau potable, justement, pour venir, pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable, puisque les réseaux étaient probablement détruits. En tout cas, il y avait un besoin qui avait été exprimé. Et il avait été décidé par le gouvernement d'envoyer une aide humanitaire, si on peut dire, enfin, en tout cas des secours, pour venir en aide aux populations en Haïti. Et là, typiquement, c'est une information, c'est un besoin qui est différent par rapport à l'exemple qu'on a vu avant avec l'identification du bâti endommagé. Là, le besoin de la sécurité civile, c'était de connaître où se trouvait le réseau hydrographique, enfin, où se trouvaient les points d'eau. On parle bien de l'image de gauche, page 9. L'image de gauche, page 9. Donc ça, c'est une carte, ce qu'on appelle une carte de dégâts. Oui. En bleu, sont représentés tous les rivières, les points d'eau. Donc pour eux, c'est vrai que générer de l'eau potable, il faut aller pomper de l'eau quelque part. Alors, si je peux me permettre, je me souviens effectivement de cette demande, parce que moi j'étais ce jour-là au COGIC, donc c'est le COGIC, on n'en a pas parlé, c'est le centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, en fait c'est le centre opérationnel de la direction générale de la sécurité civile, qui est là pour faire la synthèse de tous les engagements des pompiers sur le territoire, entre autres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est le centre opérationnel de la sécurité civile. Et il y avait cette mission donc, qui partait pour produire de l'eau potable et on s'était interrogé sur la pertinence de demander la visualisation sur les cours d'eau, où est-ce qu'ils se trouvaient sur le territoire. Bon, il s'est avéré qu'en fait, le détachement, il a été contraint par rapport sur place, la sécurité qui était... pas forcément facile, évidente partout. Il n'était pas possible de toute façon d'aller n'importe où sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on avait demandé de pouvoir visualiser cette information. Concrètement, ce qui leur a vraiment été utile dans ces productions qui ont été faites, parce que c'est vrai qu'on prend le temps aussi, nous, de faire après un retour d'expérience avec ces personnels qui partent pour savoir en quoi les productions qui ont été réalisées par le CNES notamment leur ont été utiles dans leur mission. C'était principalement aussi d'avoir une visualisation des dommages pour savoir quels étaient les secteurs où ils devaient intervenir en priorité. Donc on voit sur cette image page 10 hein, ouais. Voilà. Ça fait partie des sites. Là, il faut intervenir un peu partout, là, quand même. Hein. Un peu partout, c'est vrai, mais bon, il va falloir prioriser quand même les actions, et notamment, ça permet d'avoir une vision et de prioriser les actions, et surtout sur les axes routiers. Est-ce qu'on pouvait relier facilement le point A au point B par les routes? Est-ce qu'elles étaient empruntables? Et justement, si on regarde la carte de gauche, page 9, on voit des petits triangles rouges. Ce sont des endroits où les routes sont apparemment coupées. Donc on voit le réseau effectivement hydrographique et puis le réseau routier avec ces petits triangles rouges qui indiquent les endroits où on a des problèmes pour passer. C'était principalement l'information qui leur a été utile. Comme je le disais, je relis mes notes, ils ont été contraints pour la production d'eau potable aux zones qui avaient été sécurisées par l'ONU. Donc c'était nous, on pouvait leur donner l'information grâce à vous sur où se situaient les cours d'eau, mais ils n'ont pas pu s'en servir pour faire de la production d'eau potable. Par contre, le reste des informations leur a été très utile. Alors, vous savez, au Mardi de l'espace, je vous passe le micro, je viens vous voir et vous pouvez discuter directement avec nos intervenanteux. Ben oui. Exact. Je vous apporte le micro. Il suffit que vous le demandiez. Bonsoir. J'ai une question dans la journée, en fait, qui était de savoir, effectivement, bon, on déploie cette charte quand il y a des catastrophes on va dire, ponctuelle. Mais on m'a posé la question, qu'est-ce qu'il en est en fait des, on va dire, des catastrophes naturelles latentes en fait, tout ce qui se produit, on va dire, je sais pas, la fonte du permafrost. On me parlait de ça dans la journée. On me parlait aussi, bah, justement, des la montée des eaux. Est-ce que ce dispositif est utilisé à ce moment-là ou c'est vraiment ponctuel de l'urgence? Mais en fait, on est au niveau de la charte, on est dans l'opérationnel. Opérationnel, c'est-à-dire on est en réponse immédiate à la crise pour des catastrophes soudaines. Tout ce qui est effectivement le suivi même des camps de réfugiés, la montée des eaux, le permafrost, ça c'est du long terme qui nécessite en fait d'avoir des acquisitions satellites. Il y a des programmes de recherche qui utilisent les images satellites pour ce type de catastrophes, mais qui ne sont pas soudaines. Et en fait, ça nécessite d'avoir, je ne sais pas, une image tous les mois, tous les deux mois, tous les ans. Vraiment, c'est un suivi au long terme. Au niveau de la charte, là, lorsqu'on est activé, on n'est pas, on acquiert des images satellites pendant à peu près entre 2 et 4 semaines. Et après, on passe à autre chose. Il y a d'autres programmes de reconstruction, de suivi au long cours. Mais là, vraiment, la charte, on se limite vraiment volontairement à tout ce qui est soudain en fait et pas au long cours. Et concernant le ministère de l'Intérieur, si je peux apporter une réponse, nous c'est de la même façon, on est là pour gérer la crise dans l'instantanéité, mais tout ce qui concerne le suivi ou la reconstruction ou sur des problématiques qui viennent post-crise, c'est plus du ressort du ministère de l'Intérieur, ça sera par exemple du ressort du ministère de la Transition écologique. Et bonsoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur le type de satellite utilisé en fonction des différents besoins? Alors, dans la charte, on a donc 17 agences spatiales, 35 satellites. La majorité sont des satellites optiques. Donc, optique, c'est comme si on prenait des photos. Et on a quelques satellites météorologiques. Donc là, c'est plus pour donner des informations, justement, quand il y a des inondations, bah, de savoir un peu s'il y a des nuages et de voir un peu la progression de ces nuages. Et on a aussi donc, des satellites radars. Donc le principe des satellites optiques, vous prenez une photo, vous êtes à 700 km d'altitude, s'il y a des nuages, vous ne voyez pas le sol. Donc vous pouvez pas, c'est pas exploitable. Et c'est vrai que ça nous arrive. Par contre, c'est pour ça qu'on fait des acquisitions tous les jours pour s'affranchir des conditions météorologiques. Au niveau des satellites radars... Ça peut se produire notamment dans le cas d'inondations. Quand il y a des inondations, il y a des pluies. Donc normalement, il y a une couverture nuageuse qui empêche de voir ce qu'il y a en dessous. Ouais. Exactement. Et justement, on a eu donc, hier déclenchement pour l'Irak. On a eu les premières acquisitions. Donc là, on a programmé du spot, entre autres satellites. Hein. On a quand même programmé de l'optique. Et on a la moitié de la zone qui est découverte. Donc qui est exploitable, et une autre moitié de la zone qui est sous les nuages. En ce qui concerne le radar, on a vraiment une autre technique, c'est ce qu'on appelle un satellite avec un instrument actif. C'est-à-dire que le satellite va envoyer une onde sur le sol. Cette onde, elle va traverser l'atmosphère, elle arrive sur le sol. Et elle traverse les nuages. Elle traverse les nuages parce que c'est... Bon, après on rentre dans l'aspect... Plus technologique, mais c'est des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus importantes que les longueurs d'onde dans l'optique. Donc on est en fait, comme elles sont plus grandes que les gouttelettes des nuages, donc elles sont pas atténuées par les gouttelettes des nuages. Et donc elles arrivent sur le sol et elles sont réfléchies et le satellite récupère la réponse du signal. Et en fonction de l'intensité de ce signal récupéré, on aura une information sur l'état du sol. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau, de l'humidité sur le sol, le signal est très atténué, voire presque complètement atténué, et donc on a pratiquement pas de signal, et ça se traduit, donc ça se voit, je crois que c'est au tout début, page 4, voilà, c'est ça. Justement. On voit du radar là. Page 4. On voit une image radar. Qu'est-ce qu'on voit là, à gauche et à droite? À gauche, donc c'est l'image radar, telle qu'on peut la visualiser sur un logiciel de traitement d'image. Image radar brut. Donc on voit qu'il n'y a que des niveaux de gris, du noir, du blanc et du gris. Tandis que pour l'optique, on va aller du bleu vers le rouge, une combinaison en fait de différentes longueurs d'onde, voire le proche infrarouge. Donc le radar, on a vraiment, c'est juste une information très beaucoup plus comment dire restreinte. Par contre, ce qu'on voit, comme je vous disais, toutes les zones en noir qui sont noires, en fait, c'est parce qu'il y avait de l'eau au sol, donc pratiquement pas de récupération de signal. Et cette image là, qui a été acquise, donc c'était lors d'inondations en Allemagne. Je crois qu'on a 90 km là, de longueur d'acquisition. C'est sur pour la rivière de... C'est l'Elbe. 90 km en hauteur, hein, si je puis dire. Voilà. D'accord, oui. C'est l'Elbe qui avait débordé. C'était en juin 2013. Et on avait comparé donc, une image acquise pendant les inondations avec une image acquise avant. Parce qu'on acquiert aussi des images comme ça de temps en temps pour du commercial, pour du scientifique, pour un suivi comme ça. Donc on a ce qu'on appelle des images. Donc on les conserve ces images-là. Ça fait une base de données. Ça permet de comparer. Et donc cette comparaison a montré donc, le lit initial de la rivière, on le voit en bleu foncé, qui traverse donc toute l'image. Et les inondations, en fait, c'est tout ce que vous voyez en bleu clair. Et donc si on superpose, ça correspond aux taches. Entre guillemets, aux taches noires que vous voyez sur l'image brute. Et là, on peut supposer que les traits foncés dans la partie bleu ciel, ce sont des routes qui sont inondées ? Alors là, je ne pense pas que ce Peut-être soit des routes. Je pense que c'est juste des canaux ou des rivières, ah oui, d'accord. tout simplement. Et ça, c'était initialement. Et là, on se rend compte très bien du degré d'information qui est donné donc aux équipes de secours. Une image comme ça en noir et blanc, elle est très difficile à interpréter. La carte de dégâts à droite est beaucoup plus facile pour les équipes sur place à interpréter en fait, et savoir où sont les zones inondées, quelles sont là, on voit au milieu des zones inondées tout un village avec un bois qui est complètement isolé. Donc, au milieu, là, au c'est milieu, ça oui, oui. Tout à fait au milieu. Donc justement, ça donne une indication si est-ce qu'on va pouvoir rejoindre cet endroit par la route ou alors il va falloir utiliser des zodiacs ou des canaux. Absolument. Et Mme Corbert. Oui, si je peux me permettre. Alors nous, on n'a pas du tout activé pour cette problématique en Allemagne. Hein, ils sont autonomes sur la gestion du sujet. Mais dans la thématique inondation également, nous, hein, ça nous arrive de déclencher la charte. On a évoqué tout à l'heure les inondations dans l'Aude. Ce qui nous est également utile, enfin pas pour nous forcément au niveau national, mais peut-être plus au niveau départemental, parce que ces informations, on les repousse aussi aux autres gestionnaires de crise. Moi, je me situe au niveau national, donc on est là pour avoir une vision globale, une vision synthétique, mais ensuite, il y a des décisions peut-être plus tactiques qui sont prises au niveau local, notamment au niveau départemental, en passant aussi par la zone de défense, et notamment pour la mise en place de déviations routières liées à ces problématiques d'inondation, c'est une information qui leur est très utile. Et ça, c'est également une personne qui travaille dans un des départements qui m'avait fait part de cette remarque, comme quoi le satellitaire, les productions, des analyses qui étaient produites à partir de ces images leur étaient utiles dans le cadre justement de la gestion de la crise pour mettre en place des déviations pour les habitants du secteur qui puissent continuer aussi à circuler et aller là où circuler. Ils ont besoin d'aller. Exactement. Oui, pardon, je me permets d'intervenir. C'est pour donner le point de vue de Pléiade, puisqu'on ne demande pas aux satellites ce qu'ils en pensent. Mais du coup, Pléiade nous a fait une chanson. La lumière revient déjà, la catastrophe est terminée. On active à peine la charte qu'on me demande de filmer. À près de 700 km, oui, j'arrive à repérer un bout de saucisse de Toulouse, 70 cm sur une pelouse. C'est comme ça que je peux cartographier. Moi, Pléiade, je suis une star, je fais pas les inondations. Un volcan avec glissement de maison. Je filme que des catastrophes comme les feux de forêt en Corse. C'est pas ma meilleure séquence, j'aimerais changer de séance. C'était pas mes rêves quand on m'a orbité. Mais ce qui me fait tenir toujours, pour recommencer chaque jour. C'est quand j'arrive à zoomer, même si c'est pixelisé, sur un sourire d'enfant qu'on vient de retrouver. On va la chanter celle-là pour la fin, on va la chanter. Bye bye. Oh là, c'est haut quand même, hein. Tu arrives ? Ah, t'as une belle voix. Oui, alors attendez, parce qu'il nous a dit qu'on utilisait... Ah là, t'as mis Claire Tinel, qui n'est pas avec nous, là. Claire Tinel. Ah, dites-moi une chose. Mehdi vient nous dire, on va utiliser Pléiade pour un volcan, par exemple, en éruption. Oui, non, il y a un volcan, qu'est-ce qu'on fait ? Radar, optique Là, on va faire les deux. Ah, d'accord. Les satellites optiques vont nous permettre en fait d'avoir une vision sur les coulées de lave, tout simplement parce que ça on est capable de voir les coulées de lave sur les pentes du volcan, et les satellites radars vont nous donner une information sur le relief. Donc je parlais tout à l'heure que le signal du radar était atténué par l'eau. Et après, c'est vrai qu'on a d'autres cas. S'il n'y a pas d'eau, en fait, le radar va pouvoir un peu permettre de mesurer la hauteur du sol. Donc, si vous avez des coulées de lave, vous avez une surface qui est plus élevée. Et on va faire donc des comparaisons, pareil, avec des images d'archives qui vont nous permettre, en fait, de quantifier et de cartographier ces coulées de lave. Et ça peut être... intéressant justement parce que... Et déterminer même l'épaisseur de la coulée Donc éventuellement l'épaisseur de la coulée, mais souvent lorsqu'il y a des éruptions volcaniques, il y a des panaches de fumée. Donc au niveau des satellites optiques, on peut être gêné et donc pas avoir la vision de ce qui se passe sur le sol, et ça le radar s'en affranchit. Donc les deux, ça c'est un cas vraiment, c'est les deux satellites sont intéressants et complémentaires. Et en plus vous allez avoir... Donc on a plusieurs satellites, par exemple optiques dans la charte, qui vont passer à plusieurs moments de la journée, enfin différents moments de la journée. Donc on peut avoir des nuages à 10h du matin, on n'en aura plus à midi, on en aura encore à 16h. Et donc justement, c'est le fait d'avoir ce nombre important de satellites et de pouvoir en fait amplifier les chances d'acquisition. Alors, puisqu'on est en train de parler de radar, peut-être qu'on peut regarder justement un satellite radar. C'est, je crois, la dernière image... de notre fascicule. On avait les beaux Pléiades et puis on a un joli Sentinel 1 là aussi qui est un beau satellite radar. Satellite de l'Agence spatiale européenne. C'est un satellite de la Commission européenne. Ah, de la Commission européenne. Ah, oui, c'est l'Europe. Hein. J'ai noté ça, alors excusez-moi. Et en fait, c'est parce que les images sont fournies par l'Agence spatiale européenne au niveau de la production technique, mais à la base, c'est effectivement un programme de l'Agence spatiale européenne. Tous les Sentinelles sont des satellites de la Commission européenne. Donc j'ai mis juste Sentinel 1 et Sentinel 2. Sentinel 2 qui est aussi un satellite de la Commission européenne. Donc Sentinel 1, grand radar. On a cette espèce de planche là en bas, c'est le radar, hein, avec évidemment deux grands panneaux solaires, mais en bas c'est vraiment le radar. Et puis en bas Sentinel 2, qui lui est un satellite un satellite optique, ouais. Justement. Donc ce sont deux satellites qui sont un peu complémentaires. On a en fait c'est pareil. On a une constellation de satellites, c'est-à-dire qu'on a Sentinel 1A normalement et Sentinel 1B. Donc on a deux satellites Sentinel. Et radar, pareil, hein, tous les deux, ils sont jumeaux. Oui. Et on a Sentinel 2A et Sentinel 2B qui sont deux satellites optiques. Et là, on n'est plus en demande, ça c'est des acquisitions systématiques. En fait, ils ont été optimisés pour acquérir systématiquement à chaque fois qu'il y a sur le passage de leur orbite, donc avoir des images sur la Terre. Donc on n'est plus en demande de programmation de satellites. Par contre, là, la demande qui sera faite à l'ESA, c'est si vous avez des images d'aujourd'hui, d'hier, très récente, et pour les prochaines que vous aurez dans les prochains jours de Sentinel 1 ou Sentinel 2 sur cet endroit, s'il vous plaît, envoyez-les pour qu'on puisse les utiliser. Et là, c'est un peu différent, en fait. et on n'est pas du tout à la même résolution parce qu'on est plutôt à 10 et 20 mètres de résolution. S'il y a d'autres interventions, n'hésitez pas à me le dire, hein, vous me le signalez et puis je viens jusqu'à vous. Hein. Madame Corbert, dites-moi une chose, parce que vous êtes vraiment spécialiste de cartographie, donc ça signifie que vous recevez des images relativement brutes et que vous allez les travailler, apporter de l'information dessus, récupérer de l'information ailleurs, l'ajouter, être alors, capable de dire là ça c'est un hôpital, ça c'est je ne sais quoi. Alors c'est pas tout à fait ouais. Ça. On récupère l'image, mais on récupère aussi un produit qui a été analysé déjà, comme on l'a vu hein, sur les exemples dans ce document que vous nous avez fourni. Par exemple, on voit la nappe d'eau en Allemagne hein, suite aux inondations. Donc nous, ce qu'on fait, on récupère donc ces productions, ces cartes qui sont déjà toutes prêtes, mais on ne fait pas que ça, effectivement. On récupère, alors là, je vais essayer de m'exprimer dans des termes intelligibles par tous, c'est là toute la difficulté. Hein. Quand on a échangé, vous n'avez pas forcément... bien cerner tous les termes que j'ai employés. Donc on va récupérer vraiment l'analyse sous forme, alors je vais employer le mot dessin même s'il ne me plaît pas du tout, les objets vous vectoriels. Dit le vectoriel. Je peux dire ça ? Vous faites ce que vous voulez, si vous l'expliquez, il n'y a pas de problème. D'accord, les calques, non, voilà, c'est pas mal. Donc il y a l'image et effectivement tout ce qui a été analysé ce sont sous forme de calques, ça, c'est des polygones, des points, des lignes pour les routes. Ce sont donc des objets vectoriels que nous on récupère et qu'on réinjecte dans nos propres outils. Nous, notre rôle aussi, c'est de déployer des applications sur la chaîne opérationnelle de gestion de crise hein, vers les départements, les zones de défense. Ça faudra peut-être que j'explique. Je pense que c'est une zone, ouais, de, voilà, défense. Zone de défense. On y reviendra peut-être après. Ouais. On y reviendra après. Et dans ces applications, où on retrouve effectivement aussi des référentiels qui décrivent le territoire. On évoquait les hôpitaux, les écoles, etc. Ce qui permet aux utilisateurs d'avoir une vision de l'aléa, c'est-à-dire l'aléa, par exemple, l'inondation, la nappe d'inondation, de pouvoir les mettre en évidence par rapport aux enjeux que sont les écoles, les hôpitaux, toutes ces infrastructures hein, où il y a potentiellement des personnes qui vont être impactées par ce risque et d'avoir une connaissance donc de ce risque et de prendre des décisions qui vont peut-être s'imposer en termes de mise à l'abri de la population. Donc nous, on ne fait pas effectivement que réceptionner ces informations et les diffuser brutes, on réutilise dans nos propres outils. Donc si on peut revenir on parle peut-être de la zone de défense, mais un utilisateur pour vous, c'est qui, c'est quoi ? C'est la sécurité civile, les pompiers Alors etc. L'utilisateur pour nous, c'est au niveau du département en préfecture, il y a des centres opérationnels départementaux. Ce sont des organes qui s'activent aussi en cas de crise. En fait, la gestion de crise, elle est valable, si j'ai envie de dire, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit le terme approprié, mais elle se réalise à tous les échelons territoriaux. Donc, nous, on descend à l'échelle territoriale à la préfecture parce que c'est la représentation de l'État décentralisé. Ensuite, à la zone de défense, donc il y a aussi un centre opérationnel zonal et au niveau national, donc au COGIC, le centre opérationnel de la sécurité civile. Alors, zone de défense, ça fait très militaire. Ben, c'est un peu ça, en fait. Ah, d'accord, d'accord. Ok, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est vrai que la zone de défense... Alors moi, je travaille au ministère de l'Intérieur depuis le 1er janvier 2016. Auparavant, je travaillais en collectivité territoriale, hein, Grand Paris, Seine-Ouest, Villiers-les-Moulineaux, etc. Donc c'est vrai que c'était un terme qui m'était inconnu également. Il est assez méconnu du grand public. Alors c'est une unité... C'est pas vraiment une unité administrative en tant que telle. C'est pas un département, c'est pas une région. En fait, mais c'est quand même un découpage administratif, mais juste sur la problématique de défense et de sécurité du territoire, qui se calque sur les régions. Il y a 7 zones de défense en France. Donc il y a la zone nord, la zone sud-ouest, ouest, sud-est, sud, Paris, l'est, j'ai pas dit l'est, voilà. Ça fait combien de zones en tout, vous avez dit ? 7, il y a 7 zones de défense, voilà. Et c'est l'échelon pour la sécurité et la défense nationale. Ah, et la défense nationale aussi, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc pour nous, les utilisateurs, ils se situent à ces trois échelons, au département, à la zone, qui va avoir une vision, lui, interdépartementale, et le niveau national, qui a une vision interzonale, donc une strate supérieure. Alors, Claire Tinel, il y a une histoire qu'il faut que vous nous racontiez, c'est comment est née la charte ? Parce que c'est assez étonnant. Alors la charte, effectivement, on va bientôt fêter, c'est pas vraiment le mot, ça va être la 20e année de la charte Donc ça sera l'année prochaine. La charte au départ, l'observation, tout ce qui était observation de la Terre, on ne l'utilisait pas du tout pour la gestion des crises. Donc on a eu les premiers satellites artificiels donc en 1957. Et finalement, le développement de technologies pour faire donc des photos depuis l'espace, c'est les militaires américains qui ont commencé ça dans les années 60 et qui ont eu du mal à donner leur information technologique. Donc on a mis beaucoup de temps au niveau civil à avoir des satellites civils optiques. Et en plus, donc le premier, c'était un satellite américain, Landsat 1, qui était à 60 mètres de résolution. Donc 60 mètres, on voit pas grand-chose. C'était très adapté. C'est 60 mètres. Voilà. C'était très adapté au suivi des parcelles agricoles aux États-Unis parce qu'ils ont d'immenses parcelles agricoles comparé à nous. Mais par contre, c'était pas du tout adapté en Europe. Et donc, on a eu... le CNES, en fait, a commencé à avoir un programme spatial donc d'observation de la Terre, hein, SPOT, satellite pour l'observation de la Terre. Ils ont commencé donc à travailler dessus au milieu des années 70 avec le lancement du premier SPOT 1 en 1986. Et là, on était à 20 mètres de résolution. Donc c'est pareil, la gestion des risques, pas vraiment, peut-être pour des grandes inondations, mais donc toujours pas. Donc toujours on voit pas. Rien, on voit pas les bâtiments. C'est la cartographie, on voit pas les bâtiments, on voit pas les routes. Ah oui. C'est vraiment une autre utilisation. C'est très flou là quand même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1986, donc il a été lancé en février 1986, et fin avril, donc je ne sais plus si c'est le 29 ou le 30 avril 1986, on a eu la catastrophe de Tchernobyl. Donc explosion d'un des réacteurs. Et en fait, la Russie, à l'époque, n'a pas prévenu la communauté internationale. Donc, en fait, c'était l'Union soviétique. C'était l'Union même soviétique, oui, en 1986. Donc n'a pas prévenu la communauté internationale. Et c'est la Suède donc, qui, deux jours plus tard, a fait des mesures en fait, de particules radioactives au-dessus de son territoire et qui s'est posé la question de savoir d'où ça venait. Donc bon, ils avaient à peu près des informations, mais les Russes ne disaient toujours rien. Et donc la Suède qui était, parce qu'on a une station de réception dans le nord de la Suède, à Kiruna, en Laponie. Une station de réception des données satellitaires. Des données satellites de SPOT 1. Parce qu'il faut récupérer les données satellitaires au moment, quand elles passent au-dessus d'une station. Voilà, exactement. Et donc la Suède a demandé, donc à l'époque c'était SPOT Image, qui avait SPOT, et a demandé à avoir une acquisition de SPOT. Et en plus on était... ce qu'on appelle la recette en vol, c'est-à-dire les premiers temps pour un satellite, on va qualifier tous les instruments. Donc on n'est pas encore au niveau commercial et on est encore en recette en vol. On n'est même pas au niveau vraiment opérationnel, on ne sait pas vraiment ce qu'on filme, ce qu'on photographie. Si on sait, mais on est en train de calibrer tous les instruments. Et là, ils ont demandé à faire une image sur une zone située en Union soviétique parce qu'ils n'avaient pas les coordonnées exactes de cette centrale. Donc c'est une zone de 120 km sur 120 km qui a été choisie. Et donc c'était le 4 mai 1986, au journal télévisé, ils ont eu la première acquisition civile. C'est SPOT qui a eu la première acquisition civile. Au-dessus de la centrale de Tchernobyl. Et on voyait, même si on était à 20 mètres, bon après 10 mètres dans une certaine bande en panchromatique, on voyait en fait qu'il y avait quelque chose, qu'il s'était passé quelque chose et qu'il y avait un directeur qui avait eu un souci. Souffert, ouais. Donc là, on est en 86. Et donc, en fait, c'est une réflexion qui est à l'initiative des ingénieurs du CNES qui se sont dit, on a des satellites qui sont capables d'acquérir des images sur n'importe quel endroit du globe, tous les jours, dans des endroits reculés, parce que quelquefois, les secours, ils ne peuvent pas forcément se déplacer dans des zones montagneuses reculées. On a ces satellites qui sont là. Pourquoi est-ce qu'on ne les utiliserait pas pour la gestion des crises? Donc, c'est une réflexion qui s'est menée tout au long des années 90. Et après, le CNES était en préparation de SPOT 5. SPOT 5 lancé en 2002. Et là, on est passé à 2,50 m de résolution. Et donc, on ne voyait pas du tout la même chose et on n'avait pas les mêmes applications spatiales. Donc c'est une idée qui a été amenée aux Nations Unies en 1999. Qui a été expliquée. Ils ont fait une présentation. C'est le CNES. Le CNES et l'Agence Spatiale Européenne. D'accord. Donc c'est ensemble, le CNES et l'Agence Spatiale Européenne, voilà, qui sont les initiateurs, les précurseurs de cette charte. Ouais. Et une des recommandations de cette fameuse conférence là, sur les utilisations des images satellites donc aux Nations Unies, qui a eu lieu en 1999, a été la mise en place d'une coopération internationale entre agences spatiales pour mettre à disposition et gratuitement aux pays qui sont impactés par des catastrophes les technologies spatiales. Technologies spatiales, images satellites. Donc, on est à la fin des années 90. L'Agence spatiale européenne, le CNES, vont à l'ONU. Explique ce projet et ça débouche sur une résolution. Oui, faites-nous une proposition, essayez de lancer quelque chose de gratuit, une organisation internationale à laquelle beaucoup d'autres opérateurs et acteurs pourraient s'adjoindre et pour qu'on soit le plus fort possible tous ensemble. Et ils ont été rejoints par les Canadiens, parce que les Canadiens ont assisté à la présentation, l'Agence spatiale canadienne, et a dit « nous aussi, on veut y aller ». Donc au début, c'est le CNES, l'Agence spatiale européenne, qui propose, voilà. Et puis le Canada qui rejoint. Et donc la mise en place a commencé pendant un an et la charte a été déclarée opérationnelle le 1er novembre 2000, avec première activation le 11 novembre 2000 pour des inondations en Slovénie. En Slovénie, ma belle histoire. Donc, trois agences spatiales, aujourd'hui 17 agences spatiales. Trois agences à l'époque, 17 aujourd'hui. 17 aujourd'hui. Ouais. On dit 17 agences, c'est-à-dire qu'on a les satellites de 17 agences spatiales, c'est ça que ça veut dire ? Les satellites d'observation de la Terre est pertinent pour la gestion des risques de 17 agences spatiales. Mais là, il y a des satellites commerciaux aussi d'observation de la Terre, mais eux, ça les... Alors, il y a des satellites commerciaux, il y a les satellites donc, américains à très haute résolution optique, mais ils ont un partenariat avec le gouvernement américain justement pour acquérir des images dans ce type de situation. Donc il y a des satellites commerciaux à l'intérieur des 35 satellites de la charte. Et il y a beaucoup de satellites, enfin c'est des satellites commerciaux scientifiques, mais beaucoup de satellites commerciaux. D'accord. Mais après c'est un accord qu'on a avec ces fournisseurs d'images. Donc trois agences à l'époque, 17 aujourd'hui. On a 35 satellites aujourd'hui, on en avait combien au début ? On en avait 4. 4, d'accord. Ouais, d'accord. Donc les choses ont quand même beaucoup évolué. J'étais pas là au début, alors peut-être que j'ai raté quelque chose. Vous parlez de deux noms de satellites, soit Pléiade, soit... l'autre nom qu'il y avait tout à l'heure. Sentinelle, est-ce que c'est les mêmes ou pas ? Non, les satellites Pléiade, ce sont des satellites du CNES, donc l'Agence spatiale française. Les satellites Sentinelle, ce sont des satellites de la Commission européenne. D'accord. Et dont les images, en fait, elles sont... La programmation et la fourniture des images est réalisée par l'Agence spatiale européenne. D'accord. Et là, Michel, tu as brûlé un joker. Oui. Parce que c'est une question à laquelle on a déjà répondu. Alors, tu n'as plus droit à une question à laquelle on a déjà répondu. Non, alors là, je ne pense pas qu'on y ait répondu. À propos de Pléiade, je vois indiqué masse du satellite 1000 kg, dernière page, satellite de 1000 kg et lancé par Soyouz. Alors ça m'intrigue parce que Soyouz a une capacité bien supérieure à ça. À l'époque de Gagarine, c'était déjà 5 tonnes. Vous me collez une belle code. Alors je me demandais, est-ce que c'était un lancement en commun avec autre chose ? Mais je pense que Pléiade, il y a eu plusieurs satellites pour le même lancement. En fait, sous la coiffe, Pléiade, il y avait d'autres satellites. Voilà. Ça n'était pas posé, exactement. Bravo, bien joué. D'autres interventions peut-être ? Bonsoir. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'analyse en direct. On parlait tout à l'heure de la carte émise par le satellite radar en nuance de gris. J'imagine que pour tout ce genre d'intervention, il va y avoir un comparatif entre ce qu'on disait que c'était pas effectivement pas très clair à lire comme ça. Est-ce que vous du coup disposer de la d'une couverture complète avant est-ce que vous avez la capacité en fait sur tous les théâtres d'opération où vous allez intervenir avec le satellite radar d'avoir déjà une base sans événement pour pouvoir faire un comparatif immédiat ou vous vous servez d'une autre structure qui elle possède déjà ces images entre guillemets brutes? En fait, ce sont quand même des satellites. Bon, ça fait quelques années hein, qu'il y a des satellites radars, et je pense notamment aux satellites radars allemands. Donc, ils sont deux. Il y a les TerraSat-X et TandemX. Ça fait plusieurs années qu'ils sont lancés. Ils servent énormément aussi pour des programmes scientifiques. Et moi, quand je regarde les acquisitions, parce qu'on peut suivre hein, ce qui est fourni par les agences spatiales. Il y a à chaque fois des fournitures d'images d'archives. Alors après, radar, ça peut être différent parce que il vaut mieux avoir c'est différent par rapport à l'optique, il vaut mieux avoir des conditions d'acquisition qui sont les mêmes, c'est-à-dire avec un même angle d'acquisition. C'est préférable, mais c'est à cause de la technique radar. Donc il faut bien, entre guillemets, bien tomber dessus. Mais il y a vraiment énormément d'archives. Maintenant, ça fait... je dirais près 20 ans que les satellites d'observation de la Terre à différentes résolutions, et il n'y a pas que les satellites de la charte. Il y a aussi les programmes Google Earth qui ont beaucoup aidé. Donc là, on est au niveau optique. Mais Pléiade, Airbus a eu un contrat pendant 2 ans avec Google Earth pour faire des acquisitions sur tout le globe. Et donc, on a Pléiade, je crois qu'on a pratiquement tout le globe qui est couvert en images d'archives. À 70 cm alors ? À 70 cm. Donc après, ils mettent à jour régulièrement, mais on a au moins ces images d'archives. Nous, on les a beaucoup utilisées pour l'ouragan donc Matthew en Haïti, pour le tremblement de terre au Népal en 2015, où on avait des images dans des zones montagneuses reculées près de la frontière du Tibet. On avait des images Pléiades et on a pu s'en servir pour faire de la comparaison. Mais on commence à avoir une grosse banque banque de données qui est très conséquente. Si je peux me permettre d'intervenir un petit peu en dehors de mon champ d'action finalement, parce que vous évoquiez la difficulté d'interpréter l'image, d'en ressortir l'information. Moi, si je dis des bêtises, hein, Claire, parce que moi, de formation initiale, j'ai un diplôme d'études supérieures en imagerie spatiale, et juste pour apporter une information sur comment sont traitées les images, pour retirer l'information, ce n'est pas que de l'interprétation d'images visuelles. C'est également des algorithmes qui sont utilisés pour en ressortir de l'information. Ce n'est pas que... Alors, il y a effectivement aussi... on fait également de l'interprétation d'images, mais on utilise des algorithmes pour en ressortir de l'information. Alors, ça dépend du type de catastrophe. Pour les inondations, on va beaucoup utiliser d'algorithmes semi-automatiques, donc avec une validation derrière. Validation humaine. Pour tout ce qui est tremblement de terre... Ça se fait. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur une image en même temps et qui vont regarder chacun un endroit de l'image et vont vraiment le faire. C'est vrai que ce n'est pas une question qui a été posée, mais enfin, je trouve que c'est intéressant d'évoquer aussi ce sujet de comment on retire l'information de l'image spatiale également. Absolument. Comment sont traitées au sol les images. Ouais, si je peux me permettre, j'ai le document de la délégation générale de la sécurité civile sur les notices. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un tremblement de terre ? Si ça tremble à Mio, n'oublie pas de brancher là-haut des satellites sentinelles qui vont déployer leurs antennes un peu comme des escargots. Sauf qu'au lieu de baver, leur radar, ils vont mesurer toutes les choses qui fâchent, les fumées et leurs panaches et le sol qui l'a bougé. Et on reçoit sur Terre des cartes jaunes avec plein de polygones qu'on va redistribuer à la zone de défense. Il y en a 7 quand on y pense, tout ça c'est bien organisé. À Mio, il y a un pont, augmentons la résolution. Le patron de ce bar est inquiet de désespoir, car en dessous il y a sa maison, car il vient de l'Aveyron. Si ça tremble à Mio. Alors, une petite question à ma gauche. C'est une question très générale. Je voudrais savoir, au niveau de la défense, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ces technologies sont utilisées et comment, et est-ce que ça a servi jusqu'à maintenant à... Alors, ministère de la Défense, qui s'appelle maintenant ministère des Armées, c'est différent. Moi, je suis ministère de l'Intérieur. Donc, au niveau de la Défense, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Mais peut-être votre question, c'était au niveau du ministère de l'Intérieur, comment sont utilisées ces images ? Non, c'était pour la défense. Hein ? Pour la défense ? Non, je... La question, c'était... Alors, Claire Tinel, vous avez envie... De... Vous savez, on a eu Claire, ici... Peut-être, Claire, tu peux répondre pour... On a eu ici des mardis de l'espace consacrés à la défense. Hein. On a eu le général de Roquefeuille qui était là, qui a parlé très, très librement de ces choses-là. Hein. Ah, c'est vrai que... On ne l'a pas dit, Pléiade, c'est un satellite dual. On appelle dual, c'est-à-dire satellite et civil et militaire. Donc, il est utilisé pour des... Il y a une utilisation commerciale, également utilisation scientifique. Et en fait, comme c'était un programme qui avait été financé en partie par la Défense, ils ont droit à un certain nombre d'images par jour en acquisition prioritaire. Donc après, ce qu'ils font de ces images... Ils en font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai qu'ils ont des photos interprètes. Des photos interprètes. Ce qu'on appelle, qui sont des. On a aussi nous pour justement pour l'identification pour l'ouragan Matthew et tout ça. Ce sont des photos interprètes. Ce qu'on appelle des photos interprètes. Voilà. C'est ce qu'on peut faire dans le civil, on peut le faire pour le militaire évidemment. Et donc ici même, on a eu des mardis de l'espace consacrés à la défense et on voit très très bien par exemple des photographies, des images qui sont réalisées, oui, par satellite. Et on voit, par exemple, un complexe militaro-industriel nucléaire en Corée. On voit qu'ici, il y a eu de la neige. Ici, il y a des toits où il n'y a pas de neige. Ça veut dire qu'il fait chaud, donc ça doit être actif. Là, il y a de la neige, donc ça ne doit pas être actif. Enfin, voilà, on arrive à interpréter des tas de choses, hein, et à se dire, voilà, il se passe ci, là, il se passe... Ça veut dire qu'il y a une activité, en fait, voilà. si la neige a fondu sur le toit. Mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, c'est sorti publiquement, on peut le dire. Ah bah, en tout cas, c'était public ici. Alors, je ne sais pas si ça allait plus loin que dans ces murs, mais c'était dans ces murs-là, je m'en souviens. Et on a eu même un petit document qu'on a transmis, effectivement. Mais justement, sur ces questions d'interprétation, on peut parler d'intelligence artificielle, cette capacité qu'on a avec le deep learning à... par exemple, une machine est aujourd'hui capable de dire si telle personne est un homme ou si elle est une femme, de différencier un chat d'un chien, etc. Donc, est-ce que c'est des choses qui sont éventuellement utilisables un jour pour faire de la photo-interprétation un petit peu automatisée, davantage que ce qu'on a aujourd'hui ? C'est vrai que c'est un sujet à la mode, ça, le big data, les machine learning. Moi, je ne suis plus dans l'interprétation d'images, donc je ne serais pas capable de répondre. Mais la question est intéressante. ça viendra, je suis sûr que ça viendra. Mais c'est déjà... Il y a déjà des automatisations qui existent, heureusement. Hein. Ouais. Parce que je pense que c'est un mix des deux. Après, c'est aussi... On est encore un peu dans l'expérimentation hein, sur toutes ces nouvelles technologies. Beaucoup. On n'a pas beaucoup de recul. C'est opérationnel, ouais. On veut en faire à toutes les sauces, sur tous les sujets, mais finalement, on ne sait pas vraiment concrètement ce que ça donne. Mm. Et puis surtout, je dirais qu'actuellement, on est dans le cadre, en tout cas, de la gestion de risque, on est plus dans la situation d'urgence. Effectivement, les algorithmes de détection, ce qu'on appelle de classification, détecter des objets dans une image satellite, il y a énormément de recherches, de travail là-dessus, ça se fait beaucoup, et une très grosse amélioration des méthodes. Mais là, quand on est dans l'urgence, je vois par exemple le service français de cartographie rapide, il est qualifié pour produire une carte en moins de 6 heures lorsqu'il reçoit l'image. Et donc là, ils ne doivent pas se tromper, justement. Et il y a aussi de la validation à faire. Et pour le moment, il n'y a rien de mieux que l'œil humain pour cette validation, mais en situation d'urgence. Alors, est-ce qu'on peut venir à la question du coût ? Parce que c'est bien beau tout ça. Et effectivement, on sauve énormément de vies. Mais qui paye ? Parce qu'à un moment donné, ça coûte de l'argent tout ça. Alors, dans le cadre de la charte, c'est chaque agence spatiale qui va contribuer avec ses moyens et comme elle peut. Alors, je dirais pour le CNES, bon, effectivement, c'est un coût. C'est programmer des satellites, c'est avoir une équipe qui programme. Nous, c'est une équipe qui est 24/7, hein, donc on peut programmer à toute heure du jour et de la nuit. C'est un service qui est prioritaire, donc ça coûte un peu plus cher pour acquérir. Tout ce qu'on appelle les segments sol, donc c'est-à-dire lorsque les données viennent du satellite vers la surface de la Terre par les stations sol et ensuite sont transformées en images. Ça aussi, c'est un coût, ce qu'on appelle de production, donc des ressources humaines. C'est assez difficile, je dirais, à quantifier. Je pense qu'au niveau du CNES, on doit être à peu près de l'ordre de 5 à 600 000 euros par an. Au niveau, 5 à 600 000 euros par an. Budget, ah ouais. Voilà, pour la charte, pour 40 activations. Waouh. Après, pour les autres agences spatiales, ça dépend aussi quels moyens elles mettent. L'Allemagne met beaucoup de moyens, la Russie, Fédération de Russie met beaucoup de moyens, justement par la programmation 24/7. Ça dépend. C'est très difficile à quantifier. Alors, on peut peut-être regarder les premières images là, de notre petit document. Vous avez fourni des graphiques qui permettent d'avoir une petite idée de la manière dont les choses se passent. La répartition des activations de la charte depuis 2000, c'est page 2. Alors on voit les séismes qui sont plutôt, les glissements de terrain, les volcans, tout ça c'est une couleur un peu terre. Tempête, cyclone, inondation, là c'est plutôt du bleu. Et puis les épisodes neigeux en blanc, les feux en rouge, les marées noires en noir. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne cette carte ? Alors là, on a la représentation donc, de toutes les activations donc, depuis 2000, donc 603 activations. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des catastrophes partout dans le monde. Ah, déjà, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas 600 points. Sûr, hein. Donc, il y a des catastrophes partout dans le monde. On a vraiment une répartition des catastrophes naturelles au niveau géographique. Et notamment pour les inondations. Les inondations, vous avez en Amérique du Nord, vous en avez en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, en Asie, en Russie, en Australie. C'est vraiment... et de toute façon, en plus, nous, on est activés... Enfin, la moitié des activations de la charte concernent des inondations. 50% des inondations. 50% des activations de la charte, c'est des inondations. On peut voir aussi la répartition géographique, par exemple, pour les tempêtes, les ouragans, tout ce qui est dans la zone des Caraïbes. Donc ça, c'est le point bleu ciel. Donc bleu ciel dans la zone des Caraïbes. Et justement, en 2017, avec Irma et Maria, on a eu 9 activations de la charte en 3 semaines parce que... on a une activation pour chaque pays, c'est-à-dire qu'on a eu une activation pour la République dominicaine, pour Haïti, pour Cuba. Même si ça concerne le même événement, ce n'est pas les mêmes zones, ce ne sont pas les mêmes utilisateurs, donc il faut pouvoir répartir. Et on voit aussi qu'en Asie du Sud-Est, on a beaucoup de cyclones et également d'inondations parce que on n'a pas forcément, quelquefois, comme des petits cyclones, donc on n'aura pas des dégâts à cause du vent, mais qui vont apporter de fortes pluies, donc des inondations. Et après, on peut voir toute la partie, donc au niveau de l'Amérique du Sud, la cordillère des Andes, là où commence dans le sud, là, au niveau de la Patagonie, la ceinture de feu, et on va remonter le long de l'Amérique du Nord, et tous ces phénomènes géologiques, donc séismes, glissements de terrain, volcans. Et on va retrouver donc la ceinture de feu. Après, elle traverse le Pacifique pour redescendre ensuite le long de l'Indonésie. Donc, on va retrouver tous ces phénomènes aussi en Indonésie. Et beaucoup au niveau de l'Himalaya, des montagnes aussi, de l'Afghanistan, du Tadjikistan, si je ne me trompe pas. Énormément de séismes à cet endroit-là, au Moyen-Orient, en fait. On peut peut-être se porter page 3. Page 3, on a les agences membres de la charte. Vous voyez que le camembert mange une grande part de la carte grise, mais c'est parce qu'il n'y a rien en dessous. Hein. C'est-à-dire qu'en Afrique, en Australie, on n'a pas d'agence membre de la charte. Alors en Australie, il y a une agence spatiale australienne, mais qui n'a pas de satellite d'observation de la Terre. Donc pour faire partie de la charte, il faut avoir pouvoir fournir des images pertinentes dans la gestion des risques, donc satellites d'observation de la Terre. Au niveau de l'Afrique, bah après ça dépend, c'est vrai que ce sont des pays qui sont en voie de développement. Donc il y a une agence spatiale algérienne, il y en a une aussi au Maroc. Ils viennent de lancer un satellite un peu équivalent à Pléiade, il y a un an je crois, en observation de la Terre. Mais c'est pour leurs propres besoins nationaux. Ils n'ont pas forcément envie de participer. Il y a une agence aussi en Afrique du Sud Mais pareil, pas de satellite en observation de la Terre. Donc effectivement, c'est vraiment spécifique. Je ne peux pas vous dire combien il y a d'agences spatiales exactement. J'en sais rien. En tout dans le monde, oui. En tout dans le monde. Je dirais qu'il y en a une quarantaine ou une D'accord. cinquantaine. Mais voilà, certaines agences vont être spécialisées dans les télécommunications, d'autres dans et télécommunications et observation de la Terre. C'est vraiment, ça dépend de leurs besoins. Alors, la répartition des catastrophes, c'est vraiment spectaculaire. Hein. Les inondations et les tsunamis, 50%, 49%. Alors, effectivement, 49%. On était, l'année dernière, on était à 50%. En 2017, depuis 2000, on était à 51%. Et en 2018, on a eu un peu moins d'activation pour les inondations. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous additionnez tous les phénomènes donc type inondation, tsunami, donc en bleu foncé, les tempêtes cyclones en bleu clair, les glissements de terrain en marron qui sont en général la conséquence de fortes pluies, ainsi que les feux en rouge qui sont eux plutôt la conséquence de périodes de sécheresse. En fait, on a un peu plus de 75% des activations de la charte qui sont dues à des phénomènes, à ce qu'on appelle des aléas hydrométéorologiques. Et ça, on a, nous, une indication, en fait, sur ce qui va se passer au niveau du réchauffement climatique, en tout cas par la charte, une indication qui est très simple. Il y a 10 ans, la proportion de phénomènes hydrométéorologiques ne représentait que 65% des activations de la charte. Donc, au sein des activations, hein, donc là, je parle bien pas au niveau de la planète, mais de la charte, bien sûr, une augmentation et on s'attend dans les prochaines années à ce que cette proportion augmente. Et vous avez l'impression que le nombre d'activations augmente également ? Parce que j'ai vu qu'à cause du changement climatique, on a eu 1100 catastrophes naturelles recensées en 2017 à travers le monde par l'Observatoire des catastrophes naturelles et contre seulement 599 en 2002. C'est-à-dire qu'en 15 ans, on est passé de 600 à 1100, on a presque un doublement du nombre de catastrophes naturelles. Est-ce que vous... Est-ce que vous avez une impression aussi qu'il y a une augmentation du nombre enfin de... Je ne suis pas spécialiste en climatologie, ouais. Mais par contre, alors, au niveau de la charte, on n'a pas d'augmentation ces dernières années, mais c'est aussi parce qu'on a également un programme européen qui s'appelle Copernicus, donc EMS, Emergency Mapping Service, service de cartographie d'urgence, qui existe depuis 2014, si je ne me trompe pas. Qui a été mise en place et donc la charte n'est plus activée par les pays européens puisqu'on a un financement de la Commission européenne, donc chaque pays européen contribue à ce financement, donc sur leurs territoires nationaux, ces pays activent le service européen, ce qui est le cas de la France. Pour les inondations dans l'Aude, vous aviez activé... Ça, c'est un atout fort. Alors, comment ça marche, la charte et EMS, Copernicus ? C'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai attendu que Claire en parle. Mais on va en parler. Nous, on a la possibilité d'activer l'un ou l'autre des systèmes qui existent, soit la charte du CNES, soit le système européen Copernicus. Vous avez vu comment on l'appelle maintenant, la charte du CNES ? Ouais. La classe. La classe. Oui, je raccourcis. La charte internationale catastrophe et espace majeure. Espace catastrophe majeure. Voilà, en plus, je me trompe toujours, effectivement, dans l'appellation. Portée par le CNES en France ou le système européen Copernicus. Alors, c'est vrai qu'aussi, on a évoqué le coût. Et vous ne m'avez pas questionné sur cet aspect. Oui, c'est vrai, le coût, oui. Voilà, et pourtant, je m'étais préparée. Parce que c'est bien, vrai que bien. Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Hein, même notre sous-directeur, qu'est-ce que ça nous coûte ? Ou bien, quand on évoque aussi ce sujet, quand on rencontre les utilisateurs de nos applications, on leur parle toujours aussi de cette capacité satellitaire qui nous est donnée. Et souvent, on nous pose la question, d'accord, mais si on déclenche les satellites, combien ça coûte ? Pour nous, c'est totalement transparent pour la direction générale. Après, bien sûr, il y a des mécanismes quelque part. On a parlé des fonds européens, donc il y a forcément des mécanismes financiers qui s'opèrent à un certain niveau, mais en tout cas, ce n'est pas au niveau de la direction générale. Quand on active soit la charte, soit Copernicus, pour nous, c'est totalement transparent d'un point de vue financier. Donc ça, c'était important de le dire, je pense. Alors, ça coûte combien ? Pour nous, je ne sais pas. pour nous, ça ne nous coûte rien. Sur le budget de la direction générale, ça ne coûte rien. Il y a forcément, j'imagine, c'est pas gratuit pour l'État français, mais ça ne se retranscrit pas concrètement dans l'activation des moyens satellitaires. Donc on a effectivement ce choix de pouvoir activer l'un ou l'autre des systèmes. Et c'est vrai qu'on est parti plutôt sur, lorsque ça se déroule sur le territoire national, métropolitain, on active Copernicus et lors d'un événement sur les territoires extérieurs, on fait appel à la charte, mais c'est les deux nous apportent satisfaction. Alors la Copernicus, c'est des productions qui sont un peu plus calibrées, dans ce qui sont la charte apporte un peu plus de souplesse. Enfin, on mixe plus, les deux. Copernicus, c'est plus calibré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont un portfolio de cartographie qui sont assez cadrés en fait. Ah, oui, hein, ils sont moins souples. Moins souples. Oui, ils sont moins souples. C'est l'Europe. Est-ce que je peux vous proposer qu'on regarde quelques images ensemble, à page 5, les incendies de Californie, on a des images extrêmement spectaculaires et puis passionnantes. Page 5, par exemple, c'était les incendies en Californie en 2018, absolument gigantesques. Hein. Je crois qu'on n'a jamais eu des incendies aussi importants en Californie. Et alors, si vous regardez bien au beau milieu de la tache rouge, vous voyez écrit « Paradise ». Paradise, qu'est-ce que c'est ça, Claire Tinel? Alors ça, c'est les incendies qui ont eu lieu donc en novembre 2018 à plusieurs endroits de Californie. Et justement, la charte a été activée pour le fameux incendie qui s'appelle le Camp Fire, qui a ravagé la ville de Paradise. Donc c'est un incendie qui a été très, très rapide, très violent, très brusque. Et initialement, la charte n'était pas activée. Parce qu'en fait, il y avait 6000 pompiers qui sont venus sur place. Et donc, ils étaient parfaitement au courant de ce qu'il se passait. Donc, ils n'avaient pas besoin de, entre guillemets, identifier les maisons qui étaient brûlées. Mais l'incendie ne s'est pas arrêté à la ville. Il a continué, il s'est propagé sur l'est de la zone. Hein. On voit ici tout ce qui est orange et jaune, c'est tout ce qui a été, tout ce qui a été brûlé. Pour vous donner un peu une idée de l'échelle. Oui, ce que je crois comprendre, ce qui est écrit, c'est en rouge, ce sont les zones urbaines, construites, hein. Oui, urbaines, c'est ça, les zones construites qui ont été touchées. Qui ont été incendiées. Voilà. En orange, les endroits qui ont été brûlés. Et en jaune, les endroits qui ont été potentiellement brûlés. Donc on pense qu'ils ont été brûlés, sans qu'on en ait la certitude. En fait, on a utilisé une image, c'est le CERTIT, c'est le service français là, qui l'a réalisé. Le CERTIT, oui. Le service régional de traitement d'images et de l'information ou quelque chose à Strasbourg. À Strasbourg. Ouais. Et cette carte a été réalisée par une image Pléiade et en fait on avait les lignes de front de feu que vous voyez tout à droite. Vous voyez le long de la zone jaune. Ah oui, elles ont été dessinées là, ouais. Donc on voit la manière dont le front de feu a évolué dans le temps. On voit trois lignes de couleurs différentes, et ça montre l'évolution des lignes de front de feu vers l'est sur, je crois que c'était 3 jours, le 16, le 10, le 17, le 18 et le 20 novembre. Et c'était potentiellement affecté parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, on avait des panaches de fumée. Donc on arrivait à voir tout d'un coup qu'il n'y avait plus de panache de fumée et qu'il y avait des zones qui n'étaient pas brûlées. C'est comme ça qu'on dessine les lignes de front de feu. Mais on se dit que, voilà, effectivement, si ça a avancé, ça a dû être brûlé en dessous. Mais on ne le voyait pas. Donc dans ces cas-là, ils restent très prudents et ils vont dire que c'est potentiellement affecté. Par contre, tout ce qui était orange, toutes les parties orange, là, on était sûr que c'était brûlé parce qu'il n'y avait plus de panache de fumée, plus de pas de nuages et les zones étaient noires. Et derrière, il y a une autre... Derrière, c'est-à-dire page 6. Hein. Alors, juste une chose, on reste une seconde, page 4, vous pouvez voir que vous avez sur la droite l'échelle. Hein. On voit 4 km, c'est la barre. 5. Là. Page 5, pardon, excusez-moi, page 5. Ouais, ouais. Page 5, la barre sur la droite indique 4 km. Ça faisait effectivement de ouest en est, ça faisait à peu près entre 30 et 40 km d'étendue. Alors page 6, c'est toujours le même événement, hein, parce que si vous regardez bien au centre de l'image, vous avez également la ville de Paradise qui est indiquée. Alors ça, c'est un autre type de satellite qui a été utilisé. Donc c'est les satellites américains météo qui ont des bandes thermiques. Et grâce à ces bandes, on est capable en fait de localiser ce qu'on appelle les points chauds. Et donc il y a eu, donc cette carte a été réalisée. Elle a utilisé exactement 10 images satellites prises lors de 10 comment dire journées consécutives. Et tous les points, tous les cercles que vous voyez, en fait, représentent un point chaud et un jour donné. Donc, par exemple, là, au niveau de Paradise, on a des cercles qui sont légèrement grisés. On a tout un ensemble de cercles. Ça, c'est ce qui a été brûlé, tous les points chauds qui ont été relevés pour la première journée de l'incendie. Et on voit qu'on va évoluer au niveau des couleurs. Donc, il y a 10 sortes de 10 jours différents, donc 10 couleurs, mais on voit l'évolution de ces points chauds, c'est-à-dire là où vous avez des cercles jaunes, c'est où ça brûle encore, mais ce qui était au centre ne brûle plus. Voilà, propagation. C'est ça le terme que tu cherchais. Ouais. La propagation, c'est-à-dire que les zones sont brûlées et on a l'incendie qui va s'étendre comme une sorte d'auréole. Donc ici, de jaune à rouge, voire beaucoup plus foncé pour les derniers jours où on a acquis des images. Et donc ça, c'est intéressant pour les secours, justement, de voir à quelle vitesse ça se propage et dans quelle direction ça se propage. Et j'apprends des choses aussi, parce que je n'avais jamais vu ce type de production. Et c'est assez intéressant, effectivement. Ouais. Mais il faut que ça soit un feu, pour le coup, qui ait une certaine durée dans le temps. Alors, Déborah Corbert, on va voir tout à l'heure une image d'incendie, là encore, justement, à Calenzana, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, à Calenzana, en Haute-Corse. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous produisez des images comme ça, vous les envoyez à ceux que vous appelez les utilisateurs, donc ceux qui vont les utiliser sur le terrain, au niveau des zones de défense du département. Et là, ensuite, une fois que l'événement est passé, il vous arrive de contacter ces gens-là et de discuter avec eux pour savoir est-ce que ce qu'on vous a livré était effectivement intéressant. Donc on va voir l'image tout à l'heure, mais dès maintenant, est-ce que justement ces images ont été utilisées, celles de Calenzana, par les pompiers, etc.? Alors oui, effectivement, sur le feu de Calenzana, puisque l'activation des moyens satellitaires, des capacités satellitaires, elle se fait à notre initiative, nous, enfin au niveau du COGIC, mais également à la demande de certains utilisateurs, et notamment en Haute-Corse, la Corse qui est particulièrement concernée par la problématique des feux de forêt, nous appelle pour nous demander de déclencher les prises de vue satellitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous, on est les seuls utilisateurs autorisés à, comme on le disait tout à l'heure, appuyer sur le bouton pour dire on veut une prise de vue satellitaire à tel endroit pour telle raison. Donc ils nous font appel à nous. C'est vous qui déclenchez la charte? Oui, en c'est France. Nous qui déclenchons la charte. Pour le COGIC, le centre opérationnel. Et sur cette problématique des feux, le SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours, donc les pompiers, terme intelligible, nous contactent, et notamment là, pour le feu de Calenzana, je crois que c'était à notre initiative, et nous leur avons ensuite transmis les productions dans un objectif que ça leur serve, soit pour lutter pour le feu, en tout cas, ça nous semblait intéressant, bien évidemment, de leur faire part de ces informations. On les utilise, nous, au niveau national, pour informer les autorités, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais également, on les pousse sur le terrain pour une autre utilisation. Et il est intéressant pour nous, mais également, je pense, pour les organismes qui nous fournissent ces produits, d'avoir un petit peu un retour d'expérience sur ces productions. L'objectif, tous ces travaux qui sont réalisés, l'objectif, c'est que ça soit utile, finalement, à la gestion de crise. C'est pas juste pour se faire plaisir qu'on fait une prise de vue, qu'on traite l'image, d'accord, mais il faut que ça serve à quelque chose, sinon c'est un petit peu dommage. Donc j'ai contacté notamment là, les personnels de ce SDIS. C'était aujourd'hui, hein? Oui, c'était aujourd'hui, ouais. Je voulais le faire depuis longtemps et je me suis dit, il faut absolument que je le fasse aujourd'hui pour ce soir. Pour mardi d'espace, là. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai eu je crois qu'il est lieutenant-colonel, je voudrais pas dire de bêtises, pour savoir ce qu'il en était de ces productions. Donc ce qui m'a appris, c'est que donc, opérationnellement, ça ne leur sert pas dans l'instant, dans un feu qui, justement, a été assez rapide. Hein, le feu de Calenzana, en 48 heures, il me semble, c'était terminé, même ça a été un feu d'ampleur. Si ça avait été un feu qui avait duré 4, 5 jours, si on avait pu avoir une prise de vue régulière tous les jours, quotidienne, ça aurait pu, pour justement l'opérationnel, c'est-à-dire sur l'engagement du moyen sur le terrain pour lutter contre le feu, ça aurait eu un intérêt. Là, ça n'a pas été le cas. Par contre, comment ils utilisent les images, c'est a posteriori. Ils regardent en fonction justement de la surface brûlée, ça c'est ce qui a été demandé sur la production. Ils les mettent au regard des actions qu'ils ont menées sur le terrain. Est-ce que stratégiquement, les actions qu'ils ont menées, est-ce qu'elles ont été efficaces? C'est-à-dire le positionnement des moyens, ils les ont mis... alors moi, je ne suis pas pompier, hein, mais ils ont choisi d'attaquer par tel ou tel flanc le feu. Est-ce qu'au vu de la progression du feu, au vu de la surface brûlée, est-ce que finalement, ils ont choisi la bonne stratégie? Ils s'en servent de cette façon-là, en fait. En retour d'expérience, eux-mêmes, pour capitaliser sur tous ces événements et pour leur permettre d'augmenter un petit peu, justement, leur professionnalisation et leur maîtrise des incendies sur le territoire sur lequel ils interviennent. Je pense qu'il y a deux grands types d'incendies, évidemment les incendies de forêt, de bâtiments qu'on déplore, et puis il y a les feux de la passion, les feux de l'amour, et c'est peut-être de la prospective, mais je pense qu'on pourrait utiliser ces satellites dans une autre optique. Quand elle penche la tête vers moi doucement, je sais pas dans son cœur ses sentiments, est-ce qu'elle pense que pour moi c'est pareil, je sais pas. Pléiade sur son cœur. Deux heures plus tard, il reçoit sur son beeper la carte de son cœur. Et je l'avoue, cette carte of you, c'est un truc qui me rend fou. Ça inonde mon âme, ça fait trembler ma peau. Il neige sur ta tête blonde. Trop mignon. Alors, d'autres interventions? Ah ben, je vous en prie. Question un peu bête, mais comment fonctionne la circulation d'un satellite? Est-ce qu'il y a une coordination parce qu'il y a beaucoup d'autres satellites. Comment est-ce que tout ça fonctionne pour pas qu'il y ait d'accident, qu'il se télescope? Ouais. C'est pas mon métier. Les satellites, en fait, chacun... Selon les satellites, on a différentes orbites, donc des orbites héliosynchrones qui seront synchronisées avec le Soleil. Donc des trajectoires. Des différents types de trajectoires et différentes altitudes. Et je crois que, alors je ne sais pas exactement, vous savez comment ça marche, mais je sais que par exemple Pléiade, avant que le satellite soit lancé, il y a plein d'études qui ont été réalisées. Et justement demander la permission de les mettre à telle altitude pour une durée de vie d'à peu près... au départ, c'est 5 ans, mais là, c'est vrai qu'on est à 8 ans et on espère encore l'avoir pendant plusieurs années. Mais c'est vraiment quelque chose qui est codifié et au niveau international, entre agences spatiales. Et on ne va pas mettre... même si on a plusieurs satellites sur une orbite, on va s'arranger justement pour pas qu'ils soient trop près les uns des autres, même s'ils sont à la même altitude. Mais c'est vraiment une organisation là-dessus. Après, j'avoue que je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais... On peut rappeler quand même que les satellites ne peuvent pas tourner, hein. Ils sont sur une orbite, donc sur une trajectoire donnée, ils sont relativement toujours à la même vitesse, relativement toujours à la même altitude. Il y a un nombre de satellites, oui, enfin, il y a quelques corrections d'altitude, mais qui sont relativement faites. Oui, d'altitude, oui. Mais, donc tout ça, ça peut se modéliser. L'espace, c'est grand quand même. Il n'y a pas tant de satellites actifs ou inactifs en orbite non plus. Il y a différentes altitudes. Donc voilà, tout ça est mesuré. Et en plus, il y a des moyens, radars et optiques pour déterminer où se trouvent effectivement les satellites. De toute façon, chaque satellite est suivi. Oui. Chaque satellite est suivi et en permanence. Par la NASA et puis par... Et puis même par tout le... crois que c'est un consortium international en fait qui suit les satellites. Et il y a également un programme de suivi des débris spatiaux. Donc je crois que c'est chaque débris spatial dont la taille est supérieure à 10 cm, me semble, il est cartographié, il est numéroté et il est suivi. C'est vrai que ça pose des soucis, les débris spatiaux, ça pose beaucoup de soucis. Non, j'allais faire un parallèle avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, en fait, qui gère l'espace aérien, là c'est au niveau spatial. Oui, je voulais revenir un peu, vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un problème de temps de réaction entre le temps d'acquisition, de traitement, d'analyse de l'image et puis des catastrophes naturelles qui sont quand même très rapides pour les incendies, les séismes, les tsunamis. C'est pas long comme catastrophe. Voilà. Comment on traite cette question ? Alors, effectivement... Quelles sont les durées, finalement ? Alors, je commence par répondre, parce que c'est vrai que ça, c'est une problématique, c'est de savoir quel va être le temps d'acquisition. Alors, c'est aussi en lien avec la météo, hein, notamment pour l'optique, mais bien sûr, le délai d'acquisition et de traitement de l'image, de réception de l'information, c'est une question qui est très, très importante, évidemment, en gestion de crise. Donc, on presse toujours... On peut avoir les images quand, des fois on les presse, on les appelle plusieurs fois par jour. C'est pour quand, on attend et on nous presse derrière pour les avoir. Alors là, Claire Tunel, on vous a mis la pression là. La pression totale. Vous nous le faites en combien de temps là ? Parce que si ça peut venir dans un quart d'heure, on est content. Hein. C'est notre travail, le fond du travail au niveau de la charte, c'est d'améliorer les performances. Performances non seulement... Je dirais que effectivement, il y a une catastrophe, mais ça dépend aussi du temps de réaction de l'utilisateur qui va dire « j'ai besoin d'images satellites ». Il y en a qui réagissent. C'est vrai. Le tremblement de terre au Népal, donc il y a 4 ans, la charte a été activée seulement 3 heures après le tremblement de terre. Il y en a d'autres qui vont activer un jour après, 2 jours après. Donc nous, on n'y peut rien. On n'est pas proactif. On est à la demande des utilisateurs pour remplir leurs besoins. Donc il y a effectivement, lui, le temps qu'il met à demander des images. Je dirais que le temps de ça, c'est vraiment très réduit. Je dis moins de 3 heures pour demander à programmer les satellites. Et c'est même en général, actuellement, nous, depuis un an, là, on s'est bien amélioré. On a amélioré nos procédures. Et là, il y en a pour une heure à peu près, une heure et demie pour la demande de programmation. Après... Il faut donc, la demande est envoyée, il faut qu'elle soit traitée par l'agence spatiale. Ça dépend aussi, certains satellites, on ne pourra lui envoyer l'information de programmation pour le lendemain et les jours d'après qu'une fois par jour. Pléiade, c'est 3 fois par jour, Spot, c'est 6 fois par jour. Donc ça dépend aussi des technologies. Et pourquoi ? Parce qu'il faut que ça passe, Encore une fois, que le satellite passe au-dessus d'une station qui lui permette d'envoyer les informations. Au niveau de Pléiade, nous, la programmation, ça va être Toulouse. En tout cas, pour tout ce qui est partie Europe. Et je ne sais pas exactement où se trouvent les centres de programmation pour les deux autres plans. Mais voilà, c'est tout ce qui est mis en place derrière. Alors, je dirais que nous, au niveau de la charte, on met moins de 24 heures entre le moment où la charte est activée et le moment où on reçoit la première image. L'image n'est pas forcément exploitable, parce que si on a des nuages, si ce n'est pas du radar et si c'est de l'optique, il y a des nuages, ce n'est pas exploitable. Entre guillemets, le mieux qu'on ait fait, c'était pour un tremblement de terre au Chili, et c'était juste après le lancement de Pléiade. Il y a eu 9 heures entre la demande de programmation et l'acquisition et la mise à disposition. Et il faut savoir que dans le cadre de la charte... Donc on a vraiment, nous, un mode prioritaire, pas seulement d'acquisition, mais de transmission des données au sol. C'est-à-dire que là, Airbus utilise une station sol qui se trouve au Spitzberg. Alors vous parlez d'Airbus, Airbus Defense and Space, donc c'est la... Et fournisseur d'images de Pléiade, même si c'est un satellite du CNES. La filiale d'Airbus qui s'occupe de Airbus, EADS. Ouais. Et donc les images, elles sont téléchargées au Spitzberg. Au Spitzberg, on est pas loin du pôle Nord. C'est-à-dire qu'on a pratiquement à chaque passage, le satellite est en visibilité de la station, donc on a les images très rapidement. Et dans le cadre de la charte, 80% des images sont délivrées, donc mises à disposition sur un site FTP, moins de 4 heures après l'acquisition. Et ça, c'est vraiment très rapide. Parce que même pour Spot à l'époque, Spot 4, Spot 5, c'était vraiment plusieurs heures. Il pouvait y avoir 12 heures entre l'acquisition et la transmission. C'est tout ce qui est amélioration de technologie niveau et satellite et au niveau du sol aussi. Alors oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que bien sûr, hein, tu l'as dit, hein, l'anticipation aussi est importante, hein, le degré de réactivité des utilisateurs. Donc on essaye d'anticiper. Des fois, parfois, on se pose la question, hein, pour des phénomènes de crue lente. Donc ça, on peut se dire, Est-ce qu'on active, on n'active pas? Des fois, on active pour rien. D'ailleurs, c'est arrivé. Hein. On a fait des acquisitions, finalement, le phénomène n'a pas été si étendu qu'on aurait pu le penser, mais à la limite, il vaut peut-être mieux prévoir et ne pas être pris au dépourvu. Je dirais qu'en moyenne, entre les productions qui sont réalisées dans le cadre de la charte et Copernicus, en fonction, bien évidemment, on l'a dit, des conditions météorologiques qui peuvent parfois être poser problème, en 36 heures, on a 36 heures, c'est un peu... Ça dépend, mais je dirais que d'une manière globale, c'est entre 24 et 36 heures, on a des productions. Donc c'est déjà quand même extrêmement satisfaisant. Oui, j'ai cru entendre passer au-dessus de Toulouse. C'était bien ça? Ou en vue de Toulouse, en fait, je suppose. Est-ce qu'il y a un moyen de réduire le délai en utilisant un réseau, par exemple avec les DOM-TOM ou quelque chose comme ça? Parce qu'il doit être possible de communiquer une reprogrammation à un satellite depuis n'importe quel point où on a un accès facile depuis le territoire français ou ses extensions. En fait, pour Pléiade, il y a je ne sais plus combien de stations au sol. Je pense qu'il y en a entre 10 et 15 maintenant, stations au sol réparties dans le monde. Mais c'est surtout des stations de réception des images. Après, il y a les stations de programmation, les centres de contrôle, et ça, on ne peut pas en mettre partout. Et donc ça, c'est vraiment des plans d'optimisation, parce que c'est... Le satellite, lorsqu'on lui dit « Demain, tu vas prendre des images ici et là », on peut lui rajouter des choses, mais on ne peut pas lui rajouter des choses à chaque passage, parce qu'il fait une optimisation, il a un algorithme d'optimisation, d'acquisition des images, et ça, il le fait lorsqu'il a toutes les informations. Il ne peut pas rajouter... d'autres informations. Après, je pense que c'est aussi un problème technologique, c'est-à-dire qu'on envoie des télécommandes vers le satellite. Ça, ce ne sont que par des centres de contrôle. Des centres de contrôle, c'est pas juste un ordinateur, c'est quand même des salles avec plusieurs opérateurs. Et ça, a priori, on en a que trois. Alors, on va bientôt se quitter. Donc, si vous avez envie encore d'intervenir, n'hésitez pas à le faire. Michel, tu veux... Non, c'est bon. Mehdi, je t'en prie. Je réponds à Michel. Oui, c'est vrai que c'est un problème, tous ces satellites là qui circulent. Donc, résolvons ce problème. J'ai un problème. Tu es sur mon orbite. Oh, j'ai un problème aussi. C'est toi qui viens trop vite. Et qui s'est gouré, ça va faire mal tout ça. Si t'es un homme, appelle le consortium. Oh, ils vont nous dévier pour pas qu'on s'entrechoque. J'ai pas que ça à foutre, je te le dis mon ami. Tu vas nous faire louper mes photos de tsunami. Si tu es programmé par Poutine, tu t'en tapes. De ce qu'il y a sur ton orbite, tu vas tout défoncer. Mais si c'est Donald Trump qui a dicté ta conduite, tu risques de t'écraser en plein sur le Mexique. Et dans son fameux mur, tu finiras en brique. J'avais une question, c'était par rapport, donc vous disiez là, Pléiade, ça fait donc 5 ans, si j'ai bien... Pardon ? Résolution ? Oui, 10 ans, pardon. 70 cm. Ouais, la résolution, mais en soi, je pense qu'à bout d'un certain moment, les satellites vont atteindre une certaine limite, on va prévoir leur successeur. Est-ce que c'est déjà des discussions qui sont sur la table ou c'est pour l'instant de l'utopie En fait, il faut faire la part des choses entre, je dirais, la résolution et ce qu'on appelle l'emprise au sol. L'emprise au sol, une image standard de Pléiade, c'est 20 km sur 20 km. Ça fait 400 km². Mais Pléiade, il est tellement agile que sur un seul passage, il va pouvoir pivoter et on va pouvoir imager des zones jusqu'à 1500 ou 2000 km² en une seule fois. On a des satellites, effectivement, actuellement, les satellites américains qui sont... Je me permets de vous interrompre. Voilà, il faut bien comprendre la chose. Hein. Pléiade, normalement, un satellite photographique qui est en dessous de lui, alors que là, Pléiade est capable de basculer sur la gauche ou sur la droite et donc de photographier aussi ce qui se passe sur les côtés. Donc, on a une emprise Exactement. Au sol. À l'est ou à l'ouest, voilà, à l'est ou à l'ouest de la trace. De la trace, voilà, c'est ça. Là, on a actuellement... je crois que c'est WorldView 3 qui est à 45 cm de résolution. Mais seulement au sol, il va être qu'à 12 km sur 12 km. Plus on augmente la résolution, plus on a un problème justement de taille de télescope, on va dire. Parce que si on veut avoir une grande zone, il nous faut un immense télescope. Et après, ça fait au niveau technologie, au niveau lancement, au niveau poids, au niveau prix, ça ne va pas. Donc là, il y a un compromis à faire. Le successeur de Pléiade qui sera envoyé, je crois que c'est à l'horizon 2025 actuellement, qui s'appelle CO3D, composante optique 3D, on va être à 30 cm. 30 cm de résolution, et puis en plus il fera beaucoup des prises stéréo, c'est-à-dire qu'il va faire des images d'une zone sous plusieurs angles, et ça va pouvoir donner des informations sur le relief. Au niveau civil, je crois qu'actuellement on est à 30 cm, peut-être qu'on sera mieux. Mais effectivement, il faut faire un compromis. Et après, ça ne sert à rien d'avoir trop de détails, parce que ça fait justement des images qui sont très lourdes à télécharger, avec trop d'informations. Un tremblement de terre à 30 cm, ça suffit, mais largement. Déjà, 70 cm, ça suffit. Ça dépend des besoins. Justement, en fait, c'était l'évolution du programme, pas forcément que technologique, mais on va dire au niveau de la coordination, de la synchronisation. Se dire si un séisme qui est détecté de forte amplitude, une configuration d'urgence au niveau du satellite qui permettrait de s'activer pour être près de la zone où il aurait été détecté. Justement un côté peu proactif et automatique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu. Je n'ai pas compris. C'est avoir une acquisition automatique, c'est le moment où il passe près de la zone. Voilà, en fait, qui est un peu le satellite qui s'active en disant que dans cette zone-là, il a reçu une information au sol d'un séisme pour ensuite se mettre déjà dans la zone. Oui. C'était une réflexion comme ça. Je pense qu'il faudrait ça. Peut-être lui mettre un autre capteur. Ou, je sais pas, un capteur d'onde électromagnétique ou d'amplitude. Actuellement, en fait, le seul moyen de... Soit les satellites acquièrent d'une manière systématique. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de faire des images lors de leur passage au-dessus de la Terre. Donc, il y a soit ça, soit... on est obligé de leur envoyer des télécommandes. Après, au niveau technologie, s'ils peuvent s'activer tout seuls, c'est vrai que ça serait l'idéal. Mais... alors avant de se quitter, peut-être qu'on peut regarder encore deux images que nous a apportées Mme Corbert. Il y a celle de la page 16 qui est assez étonnante. C'est cet événement au Sargasses, c'est ça Phénomène. Un phénomène. En 2019, on a parlé de tremblement de terre, on a parlé d'incendie, on a parlé d'inondation. Et là, on va parler d'algues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Absolument. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant en fait. En métropole, on n'en a pas trop parlé. Pourtant, en zone anti, ça a été un phénomène d'ampleur, plutôt une catastrophe économique et écologique qu'une crise en tant que telle, comme on l'entend au ministère de l'Intérieur. Hein, mais on a été, nous, sollicités par le préfet de la zone anti pour déclencher les images satellitaires sur cette problématique. Donc ce sont des radeaux d'algues. Alors c'est un phénomène cyclique, hein. Ça faisait quelques années. Des radeaux d'algues. D'algues, ouais. Mais ça a été assez impressionnant. Il aurait fallu une photo aussi pour illustrer. Si vous tapez dans Google Sargasses Antilles, vous verrez l'étendue des dégâts. C'est un phénomène qui est cyclique en fait. Où est-ce qu'on les voit là, les radeaux d'algues ? Alors là, sur l'image, c'est tous les petits. C'est représenté en jaune. Donc on voit les échouages sur les côtes. Alors, est-ce que c'est bien ça là ? C'est ça ? Oui, exactement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vert. Alors, moi, je le vois jaune. On voit les échouages là. Alors, c'est des espèces de languettes vertes voilà. ou jaunes, selon votre œil. Voilà. Et on voit. Alors, c'est l'histoire de la robe, hein, c'est ça. Qui sont au bord de la côte, hein, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on voit les radeaux, parce qu'on parle vraiment littéralement de radeaux. Ça faisait des plaques immenses d'algues qui sont venues s'échouer. Alors, quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on va... on n'a pas déclenché, évidemment, la charte catastrophe majeure, hein, ça va de soi. Oui. Mais là, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le préfet aux Antilles qui dit « faites-moi des images ». Parce que quel est le problème, au fond ? Alors, le problème, comme je le dis, hein, était principalement économique. Et les bateaux ne pouvaient plus sortir pour aller pêcher, les touristes ne pouvaient plus aller se baigner. Après, c'est aussi poser des questions éventuellement, est-ce que ça ne va pas être toxique, ces algues ? Donc, ça, c'était une autre question. Et là, l'objectif, c'était de voir donc où étaient déposées ces algues, mais ce qu'ils souhaitaient faire, et c'est là où on sortait un petit peu du cadre de la gestion de crise, c'est qu'ils auraient souhaité faire un peu de prospective pour identifier les radeaux d'algues qui se trouvaient à proximité immédiate des côtes et pouvoir anticiper leur échouage. Donc l'objectif était celui-là. Bon, finalement, ça n'a pas été probant parce que je pense que c'est plus une problématique qui doit être étudiée sur de long terme avec un aspect plus recherche scientifique qui prend en compte tout un tas d'informations sur les courants, enfin des choses qui ne sont pas du tout de notre sort en tout cas. Mais c'est vrai que ça a été une, je sais pas si on peut parler de catastrophe, mais... ça a été un phénomène d'ampleur sur la zone Antilles et le satellitaire a permis, s'il n'a pas permis d'anticiper sur à court terme, parce que comme je l'ai dit, je pense que c'est un travail sur du long terme, il a permis tout de même d'avoir une visualisation du phénomène d'un point de vue global sur quelles étaient les côtes qui étaient principalement touchées par ces phénomènes. Mais ça a duré sacrément longtemps. Hein. Je crois que pendant 2-3 mois, ils ont reçu des radeaux, et ça a complètement paralysé tout un pan de l'économie de ces îles. Ils sont tout de même territoire français. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il voit en dessous du mètre, c'est plus dur que ça peut paraître. Il peut changer d'orbite, un peu comme Alain Prost. Il sait combien mesure la couche de permafrost. Il est agile, Pléiade. Il est agile, Pléiade. Il y en a même qui disent qu'il peut tout cartographier. Il est agile, Pléiade. Il est agile, Pléiade. Il y en a même qui disent qu'il peut tout cartographier. Dans un mois, on se retrouve à quelle date exactement? Qui peut me le dire? Le 28 mai, voilà, le 28 mai. On va parler d'astéroïdes. Francis Rocard sera présent et on va s'intéresser donc à ces corps qui traversent le système solaire et puis qui recèlent pas mal de secrets, notamment sur l'histoire du système solaire. Donc, c'est absolument passionnant d'en discuter. Et puis, on est capable aujourd'hui d'aller les visiter, de se poser dessus, de récupérer des échantillons, de les rapporter sur Terre. Donc, c'est tout à fait absolument extraordinaire. Alors, Mehdi, tout à l'heure, indiquait que pour la cathédrale Notre-Dame, on aurait pu utiliser des satellites. Je me souviens que Donald Trump avait suggéré qu'on utilise des Canadairs aussi. Bon, rien de tout ça. Effectivement, c'est une énorme catastrophe qui a eu lieu juste à côté de nous. Mais on ne va pas utiliser ces moyens-là. Ces moyens-là, notamment le satellite, ils sont vraiment utiles. On l'a vu à Haïti, au Népal, en Iran, et puis même aux Antilles, avec des échouages d'algues qui sont tout à fait problématiques. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est qu'on a 17 agences spatiales qui collaborent au sein de cette charte. Donc on a évidemment tous les Européens, mais on a aussi certaines agences américaines. Pas la NASA, mais la NOAA et d'autres encore. On a les Russes qui sont également là, on a les Chinois. Et toutes ces agences et tous ces, qui sont représentants de pays qui peuvent être en lutte sur le plan géopolitique, et bien, miraculeusement, j'allais dire, au sein d'une agence comme ça, et quand il y a des enjeux qui sont supérieurs, ceux de sauver des populations, sauver des biens, et bien, ces agences, ces pays, d'un seul coup, parviennent à s'accorder. C'est un peu ça aussi, parfois, la magie du spatial. On arrive à faire d'énormes projets tous ensemble pour le bien commun. Merci infiniment, Claire Tinel et puis Déborah Corbert, d'avoir été avec nous pour nous faire vivre cette charte. Merci infiniment à vous deux. Merci. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.